tatimi wa tatimi awali tatimi zawa tatiri mambeli tatimi awali tatiri mame lisikelami nanani Isabelle, bonjour tout le monde. Ça bonjour va bien. Ben, ça va, on est parti. Ouais, allez. Ben c'est l'heure de se réveiller, il est 5h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. On saura aujourd'hui si la région lance son étude sur le parc national. Pour l'instant, la collectivité ne parle pas de déclassement, le mot fait polémique, mais plutôt d'une réflexion sur l'évolution de la structure qui va fêter l'an prochain ses 10 ans. Explication dans ce journal. Le campus du Moufia en état de choc. Une jeune femme aurait été violée hier après-midi dans une résidence de la cité universitaire. Les policiers auraient déjà interpellé un groupe de jeunes. Les étudiants ont prévu une marche blanche aujourd'hui contre l'insécurité. Le chômage repart à la hausse à La Réunion. Plus de 135 000 personnes recherchent un emploi dans l'île. Une hausse de 0,6% sur un mois. Les jeunes sont particulièrement touchés. Et puis en sport, on parlera surf tout à l'heure avec un Réunionnais champion du monde junior par équipe. Son nom, Colline Doyer, et qui décroche le bronze dans sa catégorie. Réaction à la fin de cette édition. C'est une question qui revient en boucle depuis quelques jours. Le parc national va-t-il être déclassé ? À la pyramide inversée, l'idée fait son chemin, l'opposition est contre. De toute façon, on en saura plus aujourd'hui. Les conseillers régionaux doivent en effet se prononcer en commission permanente sur le lancement d'une étude, ou plutôt d'un état des lieux du parc national. Pour l'instant, à la région, pas question de parler de déclassement. Cette étude serait le début d'une réflexion sur l'évolution de la structure. Delphine Poudroux. Un état des lieux. Voilà comment la région Réunion présente cette étude. Objectif pour la collectivité, faire un point d'étape à la veille des 10 ans d'existence du parc national. En clair, apprécier les points positifs, identifier les blocages pour proposer par la suite des améliorations. Dans le viseur, bien sûr, l'impact sur l'économie locale, mais aussi sur les Réunionnais et leur territoire. Pour la région, l'enjeu est de taille, car ce parc recouvre aujourd'hui plus de 193 000 hectares, soit les trois quarts de l'île. Un parc qui, rappelons-le, assure la gestion et la préservation de nos cirques, pitons et remparts, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour autant, faut-il voir derrière cette étude une volonté de transformer le parc national en parc régional ? Non, répond la collectivité, mais c'est en tout cas ce que craint l'opposition à la région. Des élus qui assurent que la question est clairement posée dans le cahier des charges de cette étude, et donc dans le document de travail qui sera fourni aujourd'hui aux élus. Passer d'un parc national à un parc régional, Didier Robert en avait parlé durant la campagne des régionales. Dernièrement, la directrice du parc, Marilène Waro, a été débarquée de son poste pour avoir critiqué cette option. Une éviction qui fait polémique, encore aujourd'hui. D'ailleurs, on en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Richel Sacri, le délégué régional du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'outre-mer. Une chose est sûre, Daniel Gontier, le président du conseil d'administration, ne participera pas à l'étude de la région. Il ne veut pas, je cite, être associé à la destruction du parc national. La région qui est engagée sur un autre front, celui de la nouvelle route du littoral et de ses besoins en roches massives. Selon le Quotidien de ce matin, qui cite un courrier du groupement GTOI SBTPC Vinci, les deux carrières de Saint-André ne correspondent pas aux besoins de la NRL. Conséquence, le projet de carrière à bois blanc du côté de Saint-Leu prend un peu plus d'épaisseur. Une manifestation du collectif Touche pas notre roche est prévue ce dimanche à 9h30. Les faits se sont déroulés dans une résidence de la cité universitaire à Saint-Denis. Une jeune femme aurait été violée hier après-midi. Le campus est sous le choc. Les forces de l'ordre, venues en nombre, ont quadrillé le secteur. Selon le Quotidien de ce matin, ils auraient déjà interpellé un groupe de jeunes. Les étudiants, eux, ont prévu une marche blanche aujourd'hui contre l'insécurité. Verdict ce soir aux assises dans cette affaire de fratricide. Les faits remontent au 30 juin 2014. Ce jour-là, dans le bas de la rivière à Saint-Denis, Nicolas Espel tire à bout portant dans le dos de son frère. Patrick Fagnot s'écroule. Il décédera quelques instants plus tard. Aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi on parle d'une dispute pour une histoire de canard. Difficile de croire qu'on puisse tuer pour cela. Maître Jean-Pierre Gauthier, avocat de la partie civile. Ce sont deux frères, même s'ils ne portent pas le même nom, ce sont bel et bien deux frères. C'était ceux qui étaient le plus proches de toute la fratrie. Ils avaient la même passion pour les coqs de combat, l'élevage. Est-ce que cette version selon laquelle il a pris le fusil pour se protéger de son frère, est-ce que cette version selon vous est crédible? Je vais chercher un fusil, je reviens, ça prend un certain temps pour se protéger. Non, si vraiment j'ai peur, je m'en vais. Je ne suis pas obligé de revenir. Il ne lui courait pas derrière. La victime quittait les lieux avec son fils âgé de 8 à 9 ans. Lorsqu'il a été interpellé par l'accusé, il est revenu sur ses pas et là l'accusé nous dit qu'il a pris peur et qu'il est parti chercher un fusil. Mais celui qui a démarré tout ça, ça n'est pas la victime. C'est l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, parce que ça paraît futile quand même. C'est pour une histoire de volaille, que les choses soient bien claires. Mourir pour une histoire de canard, c'est quand même la chose la plus dramatique qui puisse arriver par un accident de voiture. Maître Jean-Pierre Gauthier, avocat de la partie civile au micro-réunion première de Nadine Bachelot. Nicolas Espel encourt 30 ans de réclusion criminelle pour ce meurtre. Dans le reste de l'actualité, les professeurs du lycée Rochemaigre à Saint-Louis ont tenu parole. Ils ont débrayé une demi-heure hier pour dire non à la violence et aux incivilités à répétition dont ils sont victimes depuis la rentrée. D'ailleurs, au même moment, le conseil de discipline statuait sur le cas d'un élève auteur de plusieurs agressions physiques. Pour les enseignants, cela ne peut plus durer. Pierre Komourasamy en a rencontré quelques-uns. Marie-Laure Adam est professeure d'arts appliqués au lycée professionnel de Rochemaigre depuis la rentrée. Aujourd'hui, l'enseignante estime qu'elle ne peut pas remplir sa mission, elle est désemparée. Les élèves que l'on a devant nous, professeurs, nous sommes là, nous, pour leur transmettre des savoir-faire. On est là pour transmettre des informations. On ne peut pas aujourd'hui transmettre tout cela en ayant des individus en face de nous qui ne se comportent pas comme des élèves. Ils ont un comportement qui est inacceptable en face des professeurs. Sur un effectif de 800 élèves, ces perturbateurs ne sont pourtant qu'une vingtaine. Mais ils arrivent tout de même à empêcher les autres de travailler. Élise Dinat, professeure d'histoire géo. En fait, ce sont des actes d'incivilité tous les jours. Ils menacent les collègues, ils refusent d'obéir au règlement, ils ont des comportements totalement inappropriés à la gestion d'un groupe. Ce sont des enfants, en fait, qui ont du mal à vivre en société et du coup, ça se répercute dans tous nos enseignements. Aujourd'hui, les personnels ne demandent qu'une chose, que rectorat et collectivité prennent les mesures qui s'imposent pour ramener la sérénité dans les salles de cours et aux abords de l'établissement. Marie-Laure Adam. Si, effectivement, là, il s'agit de sanctionner certains individus, parce qu'il n'y en a pas tant que ça soit une mesure exemplaire et que les autres élèves puissent travailler et puis repartir sur de bonnes bases, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, tout simplement. Les chiffres du chômage, ils repartent à la hausse dans l'île fin août. La Réunion comptait 135 300 demandeurs d'emploi en catégorie A, soit une hausse de 0,6% sur un mois. Une hausse qui touche surtout les jeunes, les moins de 25 ans. Bonne nouvelle en revanche, le chômage recule sur un an, moins 0,9%. 5h07 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Et on parle santé, la clinique des Tamarins au port et le CHU renforcent leur partenariat. Ils ont signé hier une convention pour garantir le parcours de soins suite à un accident vasculaire cérébral. Cette convention va permettre de mieux coordonner les actions de suivi pour les patients souffrant de troubles neurologiques. Après un AVC, il est important de commencer rapidement la rééducation. Une rééducation qui se fait justement à la clinique des Tamarins. Les précisions de Gérard Dabadie, médecin et PDG de la clinique. Ça veut dire qu'en fait, on essaie de mettre en place un système qui va profiter au patient en étant beaucoup plus fluide dans sa prise en charge. Le patient et son environnement doivent prendre conscience de ce que c'est que l'accident vasculaire cérébral. Quels sont les symptômes? Quand les symptômes apparaissent, rapidement, unité neurovasculaire au CHU pour traiter la maladie. Et dès que cette maladie est traitée, ben chez nous, la rééducation prend toute son importance. Plus elle est précoce et plus elle donne de bons résultats. Gérard Dabadi, médecin et PDG de la clinique des Tamarins, interrogé par Hubert Debeu. On passe au sport avec un réunionnais champion du monde junior de surf par équipe. Son nom, Colin Doyer. Il a décroché le bronze en junior, suffisant pour donner aux Bleus le titre qui leur manquait. Après 9 jours de compétition, tout s'est joué finalement sur la dernière vague de la dernière finale. Colin Doyer a réussi 2 petites manœuvres à 20 secondes du buzzer, suffisant pour doubler l'Australien Ross et permettre aux Bleus de brandir le trophée. On écoute le réunionnais Colin Doyer. Franchement, j'aurais voulu avoir cette médaille d'or, mais c'était hyper compliqué les vagues et je suis heureux de ramener si tous les points vont compter. Donc si cette médaille de bronze pour ramener la médaille d'or par équipe, j'en suis très très fier. Ouais, juste un petit mot pour la Réunion. Je suis fier d'être réunionnais et j'espère que vous serez fiers de moi. Le réunionnais Colin Doyer, champion du monde junior de surf par équipe. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Ce matin, Noémie Bonnat. Let's go, c'est parti pour 1h30 de débat aux États-Unis entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Hillary Clinton et Donald Trump s'affrontent à 1 mois et demi du scrutin. La pression est énorme pour les deux adversaires. L'écart entre eux dans les sondages se réduit et il reste 20% d'électeurs indécis. Vous pouvez suivre en direct l'émission sur France Info, à la télévision, sur le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr. Une poignée de main historique en Colombie. L'accord de paix avec les FARC a été signé dans la soirée par le président colombien et le chef de la guérilla. C'est la fin d'un demi-siècle de conflits armés. 2500 personnes vêtues de blanc, dont des victimes, ont assisté à la cérémonie. L'Union européenne, de son côté, suspend les FARC de sa liste d'organisations terroristes, ce qui doit permettre de lever certaines sanctions. La mobilisation des salariés d'Alstom à Belfort continue. Ils prennent le train tôt ce mardi matin direction Paris pour manifester. Les syndicats appellent à la grève sur tous les sites du groupe. Ils sont toujours dans l'attente de réponses sur leur avenir. Ils n'ont pas eu d'informations de la part de leur PDG ce lundi. Le transfert de l'usine de Belfort vers l'Alsace menace 400 emplois. De nombreuses réactions politiques, notamment à droite, après l'annonce des derniers chiffres du chômage ce lundi. Forte hausse au mois d'août. Plus 1,4%. C'est l'augmentation la plus nette depuis 3 ans. Elle concerne toutes les classes d'âge. Le chômage de longue durée également est reparti à la hausse après 5 mois consécutifs de baisse. La CGT veut faire de cette journée une tribune pour les libertés syndicales. C'est le procès de la chemise arrachée à partir de ce mardi. Il y a un peu moins d'un an, 2 cadres d'Air France étaient chahutés et s'étaient retrouvés la chemise en lambeaux. 15 salariés sont donc jugés, certains pour violence en réunion, d'autres pour dégradation. De grands noms de la police française en garde à vue depuis ce lundi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour trafic d'influence. C'est l'ancien patron de la prestigieuse police judiciaire parisienne, Christian Flèche, et Bernard Squarcini qui gérait lui le renseignement intérieur. La justice le soupçonne d'avoir utilisé ses anciens contacts pour récupérer des informations confidentielles alors qu'il avait quitté la police et avait créé une entreprise privée de conseil. Le quartier d'affaires de la Défense en région parisienne bouclait toute cette nuit, c'est pour une simulation d'attaque terroriste de grande ampleur. Plus de 600 policiers, agents de la RATP et de la SNCF sont mobilisés pour cet exercice, avec aussi des centaines de figurants qui jouent les victimes et les terroristes. Bonjour à tous, il est 5h12 sur la première. Vous est présenté par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Et Mickaël, fraîcheur sous un ciel souvent étoilé. Oui, bonjour Isabelle, bonjour, bonjour La Réunion. Fraîcheur ce matin avec seulement 2 degrés au volcan, 5 à Sillaos, 17 à 19 degrés sur le pourtour du littoral. Alors pourquoi fraîcheur? Parce que bah, le ciel est plutôt dégagé. Quelques nuages tout de même qui traînent sur les hauts de Sainte-Rose et qui s'échappent par moments vers les plaines de l'Est. D'ailleurs, on s'éveillera sous un ciel ensoleillé qui va faire monter les températures aujourd'hui. Peut-être un peu moins qu'hier puisqu'on va repasser en flux de sud-est et le vent va revenir sur Saint-Pierre, y compris d'ailleurs l'après-midi. Il rentrera temporairement sur les plages et de l'autre côté vers Sainte-Marie et Saint-André. Donc une journée encore ensoleillée, mais un tout petit peu plus fraîche qu'hier, un peu moins chaude. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et à 5h13, on vous accueille tous et toutes ici. Bonjour. On est content. On est content, voilà. Ça va bien ce matin. C'est le petit bonjour du matin. Bah oui, c'est dur. Le tout petit. C'est difficile. Ça, de toute façon, bah c'est normal. Ça change pas vraiment. Ah non. Ça change pas vraiment. Mais si on vous disait là, maintenant, à cette heure-là, que ce week-end, vous serez dans le cœur de l'île. Ouais. À Sillaos avec la personne de votre choix. Oh, génial. À deux en amoureux. Oui. Une chambre d'hôtel. J'imagine la scène. Une chambre d'hôtel. Ouais. Un combien d'étoiles? Vue sur la montagne. Ouais. Chambre toute prestation, oh là là. 4 étoiles, oh s'il vous plaît. Là. Le petit déjeuner qui vous attend, vous n'avez qu'à vous lever, à vous déplacer vers la salle de petit-déj et à admirer le paysage. Moi je dis comment qu'on fait pour gagner ça, dis donc. Ça c'est pour vous peut-être, tout simplement, en aimant. Oh. En aimant, puisque nous ouvrons notre cœur cette semaine dans cœur, Grand Matin. Les bras nous ouvrons dans Grand tout. Matin. Oui. Mettez des petits cœurs, mettez des petits j'aime sur la page Facebook de Grand Matin. Parce qu'il y a deux possibilités d'envoyer ces petits j'aime. GRL, soit par matin. Sur Facebook, exact. C'est quoi l'adresse de notre page? Comment ils trouvent nos Grand pages? Grand Matin, GRN apostrophe. Tout simple. Matin. Et puis il y a deuxième possibilité, voilà. Isa. C'est le SMS, le 06 92 70 2000, tirage au sort avant 8h. Et pour vous, participation pour le grand tirage de vendredi pour cette nuit d'hôtel à Sillaos. Et moi, je dis que ça fait rêver. À vous, le cirque de Sillaos. Priska, ça ne sera pas pour vous. Ah bah mais non. Bah non. Oh non. Bonjour Priska. Salut Priska. Bonjour. Mais pourquoi pas? Oui, ben pourquoi pas. Mais alors, vous me payez et puis... Why not? Ouais, why not? Bon, vous n'allez pas à Sillaos aujourd'hui, ou si ça va? Bah aujourd'hui, on est à Sainte-Marie. Je suis juste en face de vous. Vous voyez, il y a la lumière là. Il y a la lumière rouge. Ah. Vous savez que Beauséjour, c'est une nouvelle ville. Oui. Ils ont des lampadaires rouges, vous savez, des petits néons, un petit peu comme dans les boîtes de nuit, en fait. C'est joli, hein? C'est génial. Ils annoncent tous les jours, en fait. C'est génial, ouais. Et puis, dans la colle Jacques Saleur, on va parler de la cuisine antillaise. On changera un petit peu de goût, de saveur. Ça sera entre 8h et 9h hein, pour la colle Jacques. Ouais. Et puis, on vous retrouve à 6h moins le quart pour le marché. Voir s'il y a du monde sur le marché. De Beauséjour. Tout à l'heure, Priska. À tout à l'heure. Allez. Fermez la boîte de nuit. Hein. Ah oui, c'est parce que là, le jour est levé, là, la boîte s'est fermée. Allez, à tout de suite. On va prendre des nouvelles de l'horoscope avec Juliette. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. On l'accueille. Ce matin, comme tous les matins. Comme tous les matins. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes le 27 septembre. Nous sommes mardi. Vous êtes contents d'être là? Moi, j'en suis ravie en tout cas. J'adore vous retrouver chaque jour. Et vous savez pourquoi nous sommes là? Voici les prévisions astrales de la première tout de suite. On y va. Bélier, il faudra être particulièrement prudent dans vos paroles. Taureau, vous travaillez pour des partenaires qui disposent de pouvoir. Alors sachez vous taire quand il le faut. Gémeaux, votre imagination en cette journée est source d'énergie. Cancer, côté cœur, deux rencontres particulièrement excitantes sont possibles. Lion, abondance d'opportunités, côté professionnel, sachez juste de choisir la bonne. Vierge, une jolie rencontre est possible pour les personnes en solo. Balance, vous n'avez vraiment rien fait de mal, alors arrêtez de vous poser des questions. Scorpion, la complicité qui s'éternit entre vous et l'élu de votre cœur pourrait revenir au grand galop. Sagittaire, votre charme et votre tchatch font des ravages. Capricorne, ne vous barricadez pas derrière de fausses excuses. Verseau, vous n'hésiterez pas à adopter un bon rythme de vie, alimentation saine et pratique d'une activité physique. Poisson enfin, attention aux petits accidents de la vie. Excellente journée. Merci Juliette. Merci à toi. Et puis tu fais le retour demain, hein, Juliette. Hein. Bah oui. Hein. C'est un problème. Non mais oh. Allez, on était à Cran. Hier. Ça m'aime. Et la course a donné son verdict. Eh ben oui. Voici l'arrivée définitive du quintet d'hier. Pour gagner, il fallait jouer le 15, l'As, le 7, le 6 et le 11. 15, As, 7, 6, 11. Numéro plus gagnant, 0, 3, 0, 7. Cet après-midi, eh bien on prendra pas les mêmes, mais on va recommencer. Ce sera à Enghien, le prix de Beaune. 16 partants, 3800 mètres à parcourir, 5 800 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du winner du GIR, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 10, le 6, l'As, le 11, le 12, le 7, le 4 et le 14, 10, 6, As, 11, 12, 7, 4 et 14 pour votre quintet de cet après-midi, prix de Beaune à Enghien, avec dans la tirelire 5 800 000 euros. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons, Mickaël. Responsable, vous êtes dans Grand Matin. Bienvenue à tous. James, avec la force. La force est avec nous. Sur Première, bienvenue. La force pour les faits, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Tous les amis, les amis, m'en a dit la force. La force pour les faits, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Allume-moi protection, frère. Lui-même chemin, la lumière. Lui-même, il guide à moi qu'on a l'orage, qu'on est dans les éclairs. L'aide à moi, à détecter le bon faux frère. Évite tout ça que les noms mauvais qui montent à moi la direction. Oui, évite tout bon faute hein, la vie. Mais mon ali protection. Oui. Pour moi et mon famille. Tout le sommet l'aime, mais mon ali la force. La force pour l'été, pour moi l'été, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Tout le sommet l'aime, mais mon ali la force. La force pour lever, pour moi l'idée, quand pour moi les paroles. Et là, il laisse pas moi tomber. Comme il est dans le train, comme il boit du noir, pour moi il n'a plus de solution. Quand pour moi tout est pas mal, comme il est en perdition. Comment faire quand faut choisir entre le cœur et la raison? Baba, il est là pour me prendre les bonnes décisions. Partout où ça mise en valeur, il guide mes pas. Dans mon dos, il connaît qu'il est là. Dans ton mérage, la vie, elle est même, il monte à moi la voix. Mais tiens, beau Dieu, mais tiens, beau fort, on est tout seul, mais la foi. Mais qu'est-ce que le grand papa? Le sommet l'aime, mais mon ali la force pour l'effet, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Tous les amis l'aime, mais mon ali la force pour l'effet, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Souvent quand on a problème, elle puis dans la maladie. Quand nous l'est dans la peine, les solutions nous n'appuient. Quand on voit le mal, il gagne, quand il envahit nous l'esprit. C'est là le qui mon Dieu pour tirer à nous dans ta case. Souvent quand les malheurs ils veillent tous ton famille. Quand pour être passé gars mauvais, oui c'est la fin de la partie. Fait quand la fin les proches que la force nous n'appuie. C'est là le qui mon Dieu pour tirer nous dans la barre. Tout le sommet l'aime, mais mon ali la force. La force pour l'effet, pour moi l'idée, quand pour moi les paroles. Bien là, il laisse pas moi tomber. Tous les amis l'aime, mais mon ali la force. La force pour lever, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Et là, il laisse pas moi tomber. Tout le sommet l'aime, mais mon ali la force. La force pour lever, pour moi lutter, quand pour moi les paroles. Et James, on espère qu'il vous a donné la force ce matin, les amis. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tourisme, en ce mardi 27 septembre, et à 5h21, on va voyager un peu. petite musique zen avant de voyager maintenant comme deux ça. Deux secondes. Maintenant, point trop d'infos. C'est le moment de se stresser un peu parce qu'on prend l'avion. Hein, forcément, avant de prendre l'avion, on est toujours un peu la boule au ventre. Enfin, pour certains, il y en a qui le passent très bien, ce voyage. Ça va, on ne dérange pas, Isa, sinon. Hein. Ça va. Bon, tout va bien, ok. Bon, sa petite sucrète, elle la prépare. Oui, parce que je elle me prépare mon elle prépare petit... son. C'est quoi, d'après toi? Une soupe. C'est une soupe, en fait, dans sa tasse le non, matin. C'est ouais. du jus de citron dans de l'eau chaude. Voilà. Bon, tu très te bien. Demandes pourquoi je fais ça. C'est ça. Je comprends pas, maintenant pourquoi elle a mal au ventre à 7h30 à la fin de l'émission. Et le jus de citron dans de l'eau tiède, pas chaude, jamais. Eh bien, c'est, tu vois, ça a des vertus pour nettoyer, super. Tout ça. C'est intéressant. Et sinon, tu pour la rubrique Gramoun, ça sera plus tard. Si on allait voyager un peu. Bon, Isa, tu nous as trouvé le top 5 des destinations. Ouais, des monuments les plus visités dans le monde. Bon. Alors, d'après on commence par quoi ? Dans le monde entier. Le 5. Le 5 ? Number 5. Allez, Basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican. Basilique Saint-Pierre de Rome. 11 millions de visiteurs annuels. Peut-être avez-vous déjà été. Envoyez-nous un petit message pour nous dire. Voilà, jamais. C'était sympa. Moi non plus, je ne connais pas. J'étais à Florence en Italie, pas à Rome. Non. Mais c'est très beau. Hein, j'ai vu Venise, mais c'est juste ça même. Bon, voilà. Allez, tu l'as après. Vu où ? À la télévision, hein, ouais, comme tout le monde. C'est ça, oui. On l'a tous vu à la télé. Avec un fiancé de l'époque. C'est ça. Ils n'a pas fait long feu. Ils ont voyagé sur Planète et Voyage. Sur le satellite. C'est allez, en 4, Notre-Dame de Paris. Ouais, bah oui, forcément, bah oui. Incontournable. Oui, 14 millions de visiteurs chaque année. Eh oui, pour la cathédrale. Monde, ouais. La cite interdite. Pékin. Ah, en Chine. Oui, 15 millions. La basilique Notre-Dame de Guadalupe, au Mexico. De Guadalupe. Alors, numéro 1, du coup, millions. Il faut qu'on devine. Allez, vas-y. Le pays, déjà. Le pays ? Ouais. Bon, j'irai la France. En France. J'irai la France. Eh bien, et puis non, la Tour Eiffel. Du tout. Non ? Bah non. Ah, bah, c'est pas la Tour Eiffel. Bah non. Eh bah non. Lourdes, non plus. Bah non. Non, c'est pas en France, alors ? Non, c'est pas en c'est France. C'est pas en France, alors c'est loin. C'est loin. De chez nous. Loin de chez nous, de La Réunion. Oui, ah oui. Loin de La Réunion. Oui. Ah, voilà, qu'est-ce qui pourrait être visité en monument ? Tiens, bah, donnez-nous des réponses aux 70 000. C'est un lieu qui est visité eh bien, par 30 millions de visiteurs. 30 alors, millions ce sont de des personnes. Chiffres globaux, hein, bien sûr. Énorme. D'une année sur l'autre, il peut changer. Eh bien, c'est un temple. Un temple. Qui se trouve où ? Au Non, au bon, c'est en Amérique du Sud ? Du tout. C'est pas encore au Vietnam. Encore ? Non. Au Cambodge ? Non. On va y arriver, on va y arriver. Est-ce que c'est au Japon ? Oui ! C'est au Japon ? C'est au Japon. C'est eh au oui. Japon ? C'est le temple Sensoji de Tokyo. Sensoji de Tokyo est oui. visité. Alors, 30 pourtant, j'y étais, de j'y étais dernièrement, visiteurs. Mais je ne savais pas que c'était le monument le eh plus ben, visité. 30 millions et un bah, okay. visiteur, grâce à toi. Eh ben voilà, ce sont les monuments les plus visités. C'est vrai qu'il est très beau. Évidemment, ce temple. Ça change. Hein. Il y a plein de classements, on peut en trouver. Enfin, voilà, grosso modo, les 5. Eh ben là, je pense que personne ne l'aurait trouvé, même moi. Bah non, hein. Pourtant, j'ai été faire un tour. Et là, pour le coup, alors, la Vatan Moon, tu mérites d'être le premier. Ah oui, il y a du monde. Qu'on a voir. Sensoji, c'est un très très beau temple. Architecturalement, mais après, c'est vrai que la Tour Eiffel, c'est beau. Eh bien, tu étais dans au cœur même, eh ben voilà, le monument bah le plus visité dans le monde. C'est déjà pas mal. Je suis ravi. Bon, alors, pour ceux qui ne sont pas très monuments, on vous a trouvé quelques destinations insolites. Oui. Alors, on va au trou on de fer. On n'irait pas. Oui, alors ça, c'est pas à La Réunion. Hein. Turkménistan. C'est pas à La Réunion, non, non, pas hein, du tout. C'est un gros trou. Turkménistan. Et c'est comme un gros volcan, sauf que c'est artificiel, et voilà, et ça pète. Voilà. Ça, c'est au Turkménistan. Ah, voilà, c'est dangereux. Et, bon. Et donc, l'intérêt, c'est de voir péter le volcan. Un trou de fer. Voilà, c'est ça, un trou de fer en feu. Vaut mieux pas y être quand même quand ça pète. Non. Bon. Sinon, un endroit aussi, il vaut mieux pas aller. Oui. C'est Centralia. C'est une ville aux États-Unis qui, en fait, n'existe pas. Tu sais pourquoi ? Ah bah oui, parce que c'est une ville en fait qui brûle parce qu'en fait il y avait des mines de charbon en dessous et un jour le truc en 1962 s'est enflammé, ça brûle et depuis bah, tout le monde a dû partir. On peut aller voir de temps en temps mais il faut faire très attention. Bon. La ville a même perdu du coup eh bien son code postal, les habitants sont partis. On a pas envie de mourir là ce matin. Non mais ça peut être intéressant. On a pas envie de mourir, il y a pas autre chose. Ah si, tu veux en faire un peu plus machin. Eh bien je te propose d'aller visiter le centre médical de l'université de Tennessee. J'ai dit qu'on n'a pas envie de mourir. Oui, j'ai compris. Mais ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Oui, je t'explique. Ça veut dire quoi? Le FBI possède trois endroits aux États-Unis où il y a des grands terrains où il y a plein de corps, des cadavres comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pour le FBI. Du coup, ce sont des gens qui ont fait don de leur corps à la science, des corps pas réclamés aux médecins légistes américains. Okay. Et du coup, ces corps sont donnés au FBI et à la science. Là, c'est gore. Et ça permet aux élèves qui travaillent au FBI dans les sections d'investigation, de recherche, tu sais, les experts, de pouvoir se mettre en condition de voir un corps, de déterminer quand est-ce qu'il est mort, etc. Ça a été mis en place à partir de 1971 et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont réussi, tu sais, à déterminer l'heure de la mort avec le pic dans le foie, tout ça là. Donc si tu veux être un bon expert Mafat, tu vas du côté de... Et il faut savoir que c'est très très fermé en termes de visite. Ah ben et par contre, il y a des grands auteurs qui y sont allés et ça les a inspirés. Par exemple, Patricia Cornwell qui est allée visiter donc cet institut et ça lui a, en 94, inspiré Body Farm, son livre. Ah oui, voilà, c'est pour ça que les auteurs, des fois, ça tourne pas rond dans leur tête. Ils ont vu des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, vous imaginez vous balader avec votre kangou ou votre Dacia et vous tombez sur des morts. Ton kangou, tu tombes sur des trucs comme ça. Et vous tombez sur des morts. Ah chérie, attention, il y en a un sur la route. Arrête, c'est gore. Mais tu m'as dit tu voulais un truc chérie, qui sort de l'ordinaire. Pour le barbecue ce matin. C'est dégueulasse, hein. Et on fait du parfum. J'y peux rien, c'est pas moi qui les ai mis là, les morts. C'est les Américains. Let's dance, David Bowie. T'es bête. Put on your red shoes and dance the blues. Dance, dance to the song. On attend le refrain, attention. On attend le refrain tous ensemble les amis. 1, 2, 3, let's dance. Abdo, tiens, gainage. Je déconne. Ouais, non, c'est bon. Laisse tomber, Isa. Cécile, mets tes chaussures rouges et danse le blues, Isabelle. Ouais. Oui, avec ça, allez, on l'est, Cécile Thomas. Le blues. Il est 5h30. Mon Dieu Seigneur. Pour le moment, c'est l'heure du journal. Bonjour Cécile Thomas. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Quel avenir pour le parc de la Réunion? Un avenir national ou régional? Les élus de la région devront se prononcer aujourd'hui sur le lancement d'une étude. Daniel Gontier, l'actuel président du parc, n'est pas associé à la démarche, nous l'entendrons. Au lycée Roche-Maigre de Saint-Louis, stop à la violence. Les enseignants et le personnel n'en peuvent plus. Une poignée d'élèves perturbe le bon fonctionnement de l'établissement. D'après eux, ils demandent des mesures pour faire revenir le calme. Connaissez-vous les violences psychologiques? Elles s'exercent parfois même au sein de la famille. Nous entendrons une spécialiste, Anne-Laure Buffet, qui donnera des conférences sur le sujet. Premier rendez-vous ce soir au Tampon. Et puis on creuse sur le parking de l'Océan à Saint-Denis à la recherche de vestiges. Avant de lancer un projet d'urbanisation du site, il faut s'assurer qu'il ne recèle pas des trésors archéologiques. Et l'on reparle donc ce matin du parc national et de son avenir, car il en sera question aujourd'hui au Conseil régional. Les élus devront se prononcer sur le lancement d'une étude sur le parc national. On le sait, le président de la région, Didier Robert, souhaite transformer le parc national de la Réunion en parc régional pour pouvoir gérer les autorisations et les interdictions d'activité dans cette zone protégée. Cette mesure faisait partie de la campagne de Didier Robert. Il la concrétise un peu plus aujourd'hui. Le président du conseil d'administration du parc, Daniel Gon, Montier refuse de participer à cette étude. Il faut dire que d'après lui, il n'a pas du tout été associé. Daniel Gontier était l'invité de Devant la Réunion hier soir. Je n'ai pas été associé à cette démarche, ni au cahier d'appel d'offres. Et j'ai précisé à la conseillère régionale qui siège au Parc national que je souhaitais, pour le respect du travail qui avait été mené, de ne pas être associé à sa destruction. Le parc a été construit grâce à un travail de fond mené depuis, on va dire, les années 60 par des passionnés pour sortir en 2007. Ça veut dire aussi qu'à l'époque, quelles que soient les majorités à la région, il avait été défini que le territoire extraordinaire de la Réunion avait besoin d'une reconnaissance nationale par un parc national. Je ne veux pas participer à la destruction d'un outil majeur de la Réunion. Daniel Gontier, le président du Parc national, répondait à Gaël Le Dantec. En bref, cette affaire qui reste floue et que révèlent nos confrères du quotidien ce matin, elle mobilise en tout cas sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Hier après-midi, une étudiante aurait été victime d'un viol dans une résidence de la cité universitaire à Saint-Denis. D'après le quotidien, un important dispositif policier a été déployé sur place et des suspects auraient été entendus. Aux assises, première journée d'audience hier dans l'affaire Espel. Nicolas Espel reconnaît avoir tiré un coup de fusil en direction de son frère le 30 juin 2014, mais en aucun cas il ne souhaitait le tuer. Les deux hommes se seraient emportés pour une histoire de canard. Ils élevaient des animaux ensemble. Patrick Fagnot est décédé suite au coup de feu et son frère doit répondre de meurtre. Mais ses avocats ont l'intention de contester la qualification de meurtre. Maître Laurent Payen, l'un de ses avocats. C'est un énorme gâchis pour cette famille, un concours de circonstances malheureux. À aucun moment, il a toujours dit avec une émotion et un remords incommensurable, il n'a jamais, eu l'intention de donner la mort à son frère. C'est une évidence. Comment peut-on expliquer ce geste, c'est-à-dire le fait d'être parti, chercher le fusil, revenir pour tirer dans le dos? Il explique notamment par la peur qu'il a ressentie, l'angoisse qu'il a ressentie à ce moment-là, avec un frère qui avait quand même un certain ascendant sur lui, dont il avait une certaine crainte. Et dans l'action, c'est ce qu'il a toujours dit, il a eu peur, il est allé chercher ce fusil pour essayer de faire face à son frère et le coup est parti malheureusement à un moment totalement inattendu. Alors il semblerait que le frère était tombé, que c'est pour ça qu'il a été touché au dos, mais à aucun moment il n'a eu l'intention de lui tirer dans le dos. Ce n'est pas du tout la réalité de ce dossier, on l'a vu au travers de la reconstitution. Nous contestons la qualification de meurtre puisqu'elle nécessite l'intention de donner la mort qui ici n'est absolument pas présente. Maître Laurent Payen au micro de Nadine Bachelot, l'accusée en cours 30 ans de réclusion criminelle. La violence ordinaire au lycée de Rochemaigre à Saint-Louis, les enseignants n'en veulent plus. Quelques élèves sèment le trouble depuis la rentrée. Incivilité, violence verbale, voire physique. Impossible de continuer dans ces conditions qui gênent le corps enseignant et pénalisent les autres élèves. Les profs ont donc cessé le travail hier, le temps de se retrouver devant l'établissement pour faire connaître le problème. Bruno Caour est professeur au lycée Rochemaigre. On demande simplement une prise en compte de notre spécificité dans les lycées professionnels, à savoir qu'on arrête d'orienter par défaut des élèves défavorablement connus des collèges qui n'ont pas de niveau, qui sont limite illettrés. Ce sont des cas qui sont connus de tous, même des services académiques. On demande, et puis les moyens, de gérer les quelques cas qui restent dans l'établissement. Je tiens quand même à dire qu'on a 800 élèves dans l'établissement qui ne méritent pas ça. C'est le fait d'une poignée d'individus. Donc un traitement particulier pour la vingtaine d'individus qui sèment la terreur. Et tout le monde retrouvera la sérénité pour travailler, c'est tout. Bruno Caour, professeur au lycée Roche-Maigre, répondait à Pierre Komorasamy. Des violences à l'école, on passe à la violence psychologique. Anne-Laure Buffet est thérapeute et spécialiste de ce type de violence que l'on retrouve parfois au sein des familles. Invitée par l'association Les Amis de l'Université, elle donnera 3 conférences gratuites au Tampon, à Saint-Gilles et à Saint-Denis. Comment sortir de ce type de violence? Ce sera l'une des questions qui sera évoquée. Anne-Laure Buffet est aussi présidente de l'association contre la violence psychologique et accompagnatrice de victimes. La violence psychologique, de manière générale, c'est lorsqu'une personne va mettre un autre individu en état de soumission psychologique, l'amenant à ne pas être capable de réfléchir, de penser, d'agir et donc d'avoir une propre vie indépendante ou une existence indépendante. Elle se décline ou elle se constitue de plusieurs éléments et la violence psychologique surtout amène petit à petit à une dépossession de ses capacités à être un adulte responsable d'agir. Première conférence d'Anne-Laure Buffet sur les violences psychologiques intrafamiliales à 18h15 ce soir sur le campus du Tampon. Elle était interrogée par Pierre Komorasamy. 5h37 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Si vous avez l'habitude de vous garer sur le parking de l'Océan à Saint-Denis, vous avez pu constater hier qu'il n'était plus accessible. Des pelleteuses ont pris la place et fouillent le sol. Ce ne sont pas les travaux d'aménagement du site qui commencent. Il s'agit de reconnaissance archéologique. C'est nécessaire avant d'implanter un grand projet urbain. L'endroit est susceptible de cacher dans son sol quelques trésors, des vestiges qui enrichiraient nos connaissances sur les premiers habitants ou premiers visiteurs de l'île de la Réunion. Reportage Bruce Régent. Quand les immeubles seront sortis de terre, ce sol sera perdu pour les études historiques. Il faut donc profiter de ce terrain non bâti. Ça consiste à faire des trous disposés en quinconce très réguliers. Jean-Michel Martin, ingénieur à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. On travaille avec une pelle mécanique et un godet lisse de manière à déceler éventuellement des traces de nature archéologique. Sur les 3 hectares de l'espace océan, une 60aine de sondages en 7 jours devraient suffire à tomber sur d'éventuels vestiges. Mais la pelle mécanique ne va-t-elle pas tout casser? Abîmer, non. Enfin, la fouille archéologique, par définition, c'est une destruction. Mais il faut comprendre. Donc certes, on peut abîmer des vestiges de murs, mais ça permet aussi de savoir où ils sont, de les dater, etc. Ça demande donc d'avoir toujours l'œil de l'expert à côté de la pelle. On surveille mètre par mètre, on descend progressivement. Là, on arrive sur le sable, c'est le cordon littoral. Donc il y a peu de chances de trouver des vestiges en dessous. Et au moindre indice, on travaille plus en finesse. Donc là, je viens de nettoyer la paroi verticale du sondage. Marie-Christine Ginest est assistante d'études à l'INRAP. Qui va nous permettre d'analyser l'empilement des couches. Alors justement, quelle est la zone à scruter? C'est ce qu'on cherche. Pour l'instant, on ne sait pas. Si même des niveaux anciens n'ont pas été complètement détruits par les aménagements contemporains, c'est ce qu'on est en train d'essayer de voir. Le rêve des archéologues serait de découvrir des indices du passage de marins avant le XVIIe siècle, mais ils ne se font pas trop d'illusions. Là, dans les premiers mètres, c'est du remblai contemporain. Il y avait un peu de tout ici, sur ce parking. Un reportage de Bruce Régent. Allez, du sport avec du surf et un titre pour les Français. Ça s'est passé dimanche dernier au Portugal. L'équipe de France a remporté le titre mondial junior derrière lequel elle courait depuis longtemps. La compétition a duré 9 jours. Le Guadeloupéen Thomas Debierre a remporté la médaille d'or en cadet. Et le Réunionnais Colin Doyer est en bronze en junior. Les Français ont finalement fait mieux que les 39 autres équipes engagées. Ces mondiaux ont été les plus relevés, les plus disputés de ces dernières années. Alors Patrick Flores est entraîneur de l'équipe de France jeune et il est bien sûr très heureux. Depuis la création de la Fédération Française de Surf, en fait, on attendait un titre par équipe en surf, en shortboard. On l'a eu dans d'autres disciplines déjà, mais celui-là était important et personnellement, depuis c'est mon 8e championnat du monde avec les juniors, on s'est battu pour l'avoir. On a fait 2 fois vice-champion du monde. Ça devenait un peu lourd quoi, de ne pas pouvoir atteindre ce graal qu'on s'était tous fixé, ce but ultime, c'est fort. C'est vraiment un but que je m'étais donné. J'ai toujours voulu ce titre par équipe pour les juniors. Ce tir groupé qu'on a fait, on a amené tous nos jeunes quasiment en quart de finale dans le top 10. Ça ne pouvait pas nous échapper. Ça pouvait pas nous être devant l'Australie et Hawaï pour la petite nation française qu'on est. C'est fort, c'est très fort. Patrick Flores, heureux à 4 ans des Jeux Olympiques de Tokyo où le surf fera son entrée et à 9 mois des championnats du monde des nations à Biarritz, l'avenir du surf tricolore, eh bien, s'annonce plutôt bien. Ah bah c'est une bonne nouvelle, Cécile. Et pour vous, la roulade Et oui, sinon. Et ben oui, je comptais bien vous ramener une petite vidéo de Maroulette. Oui. Et puis en fait, j'ai complètement oublié dans la journée. Oui, bien sûr. Mais, je peux essayer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, encore vous vous entraînez, c'est ça? Voilà, hein, tout oui, n'est voilà. donc pas perdu. Non. Voilà. Elle fera sa roulade de gymnastique dans pas longtemps. Hein. On verra. On a hâte. On a hâte de voir. Quand même. 5h41 sur la première. Oh bah Michael, il y a des nuages qui traînent comme ça vers Sainte-Rose, Auté. Oui, qui donnent une ou deux gouttes, par exemple sur le volcan, ou encore sur le piton Sainte-Rose. Des nuages aussi qui ont été donc présents sans tout début de journée, fin de nuit, tout à l'heure sur le cirque de Sillaos. Partout ailleurs, le ciel est plutôt dégagé, avec des températures qui sont un peu plus douces que prévu finalement. On verra tout à l'heure quand le soleil se lèvera, hein, ça peut baisser au lever du soleil. Mais on a 5 degrés au volcan, 7 à la plaine des Cafres, 21 au port ainsi qu'à Saint-Denis, et puis 9 dans le cirque de Sillaos. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait la semaine dernière. On va tout doucement vers une période estivale avec cette intersaison hein, qui a démarré, hein, puisque là c'est la fin de l'hiver. Le vent va revenir par contre aujourd'hui sur le nord et le sud, 50 et 60 km/h sur le nord, est et le sud-ouest, vers Saint-Pierre et vers Sainte-Marie, avant qu'il pourrait rentrer temporairement sur les plages. Température qui sera un petit peu plus basse qu'hier. On attend 27 degrés de moyenne sur le littoral. Mais normalement, à partir du début de la semaine prochaine, on devrait voir les premières températures estivales sur le littoral et sur la côte. C'est une tendance à 7 jours. Mmh. On aura l'occasion d'en reparler. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et à 5h42, vous êtes déjà nombreux à dire j'aime. C'est bien. Merci. Merci de la communauté, oui. Grand matin. Par SMS plaisir. Au 70-2000, normal, vous avez envie eh bien, de gagner, de participer à ce tirage au sort vendredi pour repartir avec votre nuit d'hôtel. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'avant 6h, on a déjà des places de concert. Oui, ôté. À vous faire gagner pour l'événement Enfants Zillois avec que du bon sur scène et surtout que des ambianceurs. C'est en gros, ça. Vous passerez pas une mauvaise soirée, plus de 3 heures de show voilà. avec l'Indigo, parce que là, c'est vraiment du show. Hein. L'Indigo. Désiré François, toute la troupe. Tout ça, ces enfants zillois. Ces enfants zillois, et c'est pour que vous. Pour vous. C'est le concert événement de Réunion 1. Mais affole pas tout de suite, hein. Non, pas c'est tout de suite. C'est d'un instant, hein. Pas tout de suite. 19-2000, on va vous dire. On passera au mixeur. Oui. Quelques titres tout à l'heure avec DJ Fou. Et vous pourrez appeler le 0262 99-2000. On l'avait la semaine dernière au téléphone. On l'a réveillée. Oui, c'est vrai. Elle y lève bien le matin. Ah oui. Et là, il doit être en train de dormir, elle, là. Et puis elle a été consacrée avec son album. Son dernier album, oui. Il y a être laisse, L'eau sucrée. Voici le titre à cause sur Première. Bienvenue à tous. Bon réveil. Qui ont fait un petit bisou ce matin au réveil. Yael Treles à cause dans Grand Matin. Et on revient avec des cadeaux à vous faire gagner. Puis on ira sur le marché. Exactement, du côté de Sainte-Marie. Réunion Première vous invite pour la nuit étoilée. une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. Première. Est-ce que Nadan Moon ce matin, beau séjour, on voit ça tout de suite. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allô, allô, Prisca. Oui, Prisca. Coucou les amis, nous sommes ici du côté de Beau Séjour. Et vous savez, juste en face du marché forain, il y a l'ouverture aujourd'hui d'une pâtisserie-boulangerie. Donc je suis avec Maëva. Événement dans le quartier. Bah oui, je suis venue prendre quelques brioches, quelques pains au chocolat, des viennoiseries pour nos amis forains, pour le café. Bonjour Maëva. Bonjour. Alors, bonjour, c'est la première là aujourd'hui? Oui, une grande première. Tout est prêt? Oui. On attend juste les clients arriver. Alors, présentez-nous l'équipe. Alors là, nous avons Christian. Oui, Christian, c'est le boulanger. Oui. Je vois, il a son tablier et tout. Oui, avec son beau sourire là. Ensuite, nous avons... Yvon, il vient de faire des brioches. Oui, lui, il est en viennoiserie. Tout d'ailleurs, nous avons Giovanni qui prépare le pain, dans le pétrin. Nous avons Béa en tant que vendeuse avec nous. Béa en train d'installer les chaises pour la terrasse, pour ceux qui vont venir sur le marché forain tout à l'heure, boire le café avec nous. Après, nous avons le traiteur, c'est Nicolas. Et Nicolas, il va faire quoi à manger? Des sandwichs. Bon, qu'est-ce que vous voulez, les amis? Sandwich. Tout. Du matin au midi, nous, on arrive. Hein. Et ensuite, en pâtisserie, nous avons Sophie, la chef pâtissière, notre responsable aussi, et Laurent. Et ça fait du monde, vous êtes combien là ce matin? Ben là, on est à 8. 8? Oui. Bon, on va souhaiter à toute l'équipe une belle journée pour cette première. Et puis, il y aura le film tout à l'heure. Il y aura le film sur la page Facebook. Super. Vous voulez rajouter quelque chose, la chef? Dites-nous. Ah, le boulanger, il veut parler. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour, boulanger. Bah écoutez, ça va très bien. Là, on est chaud pour l'ouverture. Bah, je vois ça. Il y aura quoi comme nouveauté Alors, nouveauté, il y a des nouveautés en brioche. Il y a la fleur de lotus. Il y a... Fleur de lotus. Oui, c'est donc une brioche avec de la noix de coco dedans. Et puis, donc, avec une façon particulière de façonner qui vient que pendant sa cuisson, la brioche s'ouvre, en fait. C'est un cuisinier boulanger, en fait. Il y a une petite pointe de fleur d'oranger, en plus. Donc, c'est sublime. Venez déguster. Elle est là aujourd'hui. Elle sera là tous les jours. Vous avez aussi donc la brioche chocolat orange. Donc là, un mélange d'une brioche chocolat avec une brioche nature à l'orange mélangée ensemble. Et vous verrez, ça, c'est fantastique. Ah, merci Christian. On va envoyer les photos. Il y a aussi donc dégustation de pain. Ah ben il est parti. Il est parti. Le produit top d'ici. Donc une recette sagement bien sauvegardée par la direction, et ce qui est normal. Dans le coffre-fort. C'est dans le coffre-fort. Mais venez la déguster, elle est sublime. Bon, on aura dû vous engager comme commercial, le vin naturel, en fait. Qui vraiment précise et donne la marque de la cardinale. Et là, elle est présente partout. Vous êtes trompé de métier. C'est le VRP du pain. C'est clair. Acacia et du pain en direct sur Réunion Première. Merci Christian. Merci à vous. Vous aurez les photos sur la page Grand Matin. Ça marche. Et la page Facebook de Réunion Première. Et on peut pas la rater. Hein, allez, à toutes. En face du marché de Beau Séjour. Bah oui, tout va bien. Allez. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Si vous avez un gars qui est là devant la boulangerie, deux croissants pour un euro, bah c'est Christian. Voilà, c'est ça. C'est le boulanger. Le VAP du Macatia. C'est ça. Grand Matin, le mixeur. Bon, nous, on n'a pas de macatia à vous offrir. Hein. Mais on a des invitations pour le concert. Oui. Ce sera le 7 octobre au petit stade de l'Est. Qui ça, il veut gagner. Allez, deux tickets, là, ils sont là. Oui. On a juste à vous les donner. Mmh. Il faut juste appeler le 0262 99 2000. Et écoutez ce mix de DJ Fou. Salut DJ Fou. Salut, bienvenue. Voilà, avec Il a l'air moins malheureux. Comme tous les matins, je sais pas trop. Il a... C'est peut-être la brioche, tu veux de la brioche qui a fait plaisir. Bon. 0262 99 2000 pour jouer avec nous. Écoutez bien. Il suffit de trouver le titre ou l'artiste. C'est ça. Et le titre parfois est dans l'extrait hein, qu'on vous passe. Ah bah oui. Entrez le soleil, laissons. Ah bah c'est facile. Hein. Ah on va bouger, bouger. Là, si vous avez pas compris le titre. On va bouger, bouger, bouger. Bouger, bouger, bouger. Allez, c'est le moment d'appeler. 0262 99 2000 et on vous envoie comme ça en concert avec la personne de votre choix. Eh oui, pour cette grande soirée. Il va y avoir de l'ambiance, plus de 3 heures c'est de ça. Spectacle. Faut juste être libre le 7 octobre au soir. Allez, c'est ça. 0262 99 2000, c'est le seul numéro à connaître. Ce matin, on accueille Paul. Salut Paul. Allô. Allô, allô. Allô, Paul. Paul de Saint-Joseph qui nous entend pas visiblement. Paul. Eh, Paul il veut pas parler. C'est peut-être pas Paul. Ah bah Pierre, oui, c'est peut-être pas Paul. Jacques. Bah non, bah Pierre, Jacques il a pas répondu. Michel. Bon, et c'est le moment, oh c'est le moment de prendre la ligne à Paul. Eh oui, et d'appeler la le numéro. Ligne à Paul. Et d'appeler et d'appeler le numéro, il y a un mix, c'est simple, les deux titres sont dans les extraits. Voilà. Voilà. Allez, vite. Les deux titres sont dans les extraits, il suffit d'appeler. Voilà pour repartir avec ces invitations pour ce concert Enfants Zillois. C'est bientôt, dépêchez-vous, ouais, Cassia Lindigo sur scène. C'est la toute dernière que l'on vous offre là, ah quasiment, oui, après, parce qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus vraiment. Peut-être qu'on n'a pas bien compris en fait. Hein, peut-être. On n'a pas bien compris le mix. Allez, on le repasse. Vous avez du mal à vous réveiller le matin. Le soleil, oh, c'est normal. Plus particulièrement ce matin, visiblement. Il lève. Ah là là. Bah voilà, c'est ça, c'est facile. Bah alors tu vois. Les titres sont dedans. Bon. Bougez, bougez. Allez. Ah. On a besoin des deux titres. On accueille Gauthier qui est avec nous. Bonjour. Salut Gauthier. Ah bah il est plus là non plus. Ah bah décidément. Affiche bouton là. Salut voilà. Frédéric. Bonjour. Oui bonjour. Ah, on va y arriver. Ça va Frédéric? Ça va, impeccable. Allez, on a besoin des deux titres ce matin. Le premier c'est Mettons entre les soleils. Ouais, il suffit d'écouter, ouais, effectivement. Et le deuxième. Et le deuxième. Ça va être bouger. Mais que c'était dur, dis donc. Ah oui, oulala. Ouh, vous avez dû transpirer pour au moins donner ces titres, hein, Frédéric. Hein. Bon, eh ben c'est gagné. C'est ça. Allez. Bravo à vous, les invitations pour ce concert sont pour vous, Frédéric. Salut Fred. Bisous. Bonne journée. Et il est 5h53, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion première vous fait part du décès de Monsieur Uriot Daniel Yves Frédéric. Monsieur Uriot Daniel Yves Frédéric, le décès survenu le 15 septembre à l'âge de 73 ans. Un recueillement aura lieu au centre funéraire de Prima, aujourd'hui à partir de 10h. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à la chapelle du centre funéraire à 15h, suivie de la crémation. Décès de Madame Zilmia Nérustan Marie Rita. Madame Zilmia Nérustan Marie Rita, le décès est survenu dimanche à l'âge de 94 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Prima. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire aujourd'hui. La bénédiction aura lieu à 14h en l'église de Sainte-Suzanne, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Lucas Marie-Claire Thérèse. Madame Lucas Marie-Claire Thérèse, le décès est survenu lundi, donc hier, à l'âge de 62 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du CHU de Saint-Pierre aujourd'hui à 10h15. La bénédiction aura lieu en l'église de l'Étang Salé-les-Bains à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Étang Salé-les-Hauts. Décès de Madame Série née Laurette Noëlla. Madame Série née Laurette Noëlla. Le décès est survenu hier à l'âge de 81 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 24 chemin Mazot à Piton-Saint-Leu aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Piton à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Tonrouge. Décès de Monsieur Françoise Victor. Monsieur Françoise Victor, décès survenu hier à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 11 Terre, avenue Raymond Barre à l'Étang Salé-les-Hauts aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de l'Étang Salé, suivie de l'inhumation cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Grondin Joseph Alain. Monsieur Grondin Joseph Alain, le décès est survenu dimanche à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira du 2 rue Jules Waro, Liane à Saint-Joseph. Demain, mercredi, la bénédiction aura lieu en l'église des Lianes, l'inhumation au cimetière des Lianes. Décès de Madame Maillot-Népont-Gérard Jeanne. Madame Maillot-Népont-Gérard Jeanne. Le décès survenu hier à l'âge de 65 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie aujourd'hui après la bénédiction. Une bénédiction qui aura lieu à 14h. L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Bernard. Décès de Madame Boyer, de Boyer Clorate Angélie. Boyer Clorate Angélie, fille de Monsieur Boyer Suliman Émile et de Madame Clorate Marie-Christine. Le décès survenu vendredi à la naissance. Le convoi mortuaire sortira du CHU de Belle-Pierre aujourd'hui. La bénédiction aura lieu à Belle-Pierre à 15h30. L'inhumation au cimetière de l'étang Saint-Paul. Décès de Monsieur Maé Emmanuel Marie-Joseph. Maé Emmanuel Marie-Joseph. Le décès est survenu hier à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez sa fille numéro 17 rue Benoît de Boulard, Beaulieu à Saint-Benoît. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Des infos pratiques, Mickaël. Avec des coupures d'eau qui sont prévues pour demain, à partir de 13h, notamment à Saint-Denis-Chemin. Alfred Mazérieux, partie comprise entre le foyer Alice Verdun et la route de Saint-François, à Radillon, Rédillon de Saint-François, route de Saint-François du PK7 au PK6 et ruelle Bertil. La remise en eau est prévue à partir de 17h. Coupure d'eau aussi à partir de 8h demain pour les secteurs suivants: chemin Brinsens, de Bois-Rouge, de la Boucle, de la Butte, des Crotons, des Filao, du dispensaire du milieu, du four, partie haute, Laurie-le-Breton, Philibert Commerçon, route Jules Redley, partie basse, rue Monseigneur de Longavant et tous les secteurs environnants de 8h à 13h. Donc c'est à Saint-Denis. Distribution non interrompue aussi à Grand-Coude, à Saint-Joseph, partie comprise entre le kilomètre 5 et le kilomètre 7. C'est demain. La remise en eau se fera des achèvements des travaux. Et puis coupure d'électricité aussi à prévoir. Aujourd'hui à Saint-Denis de 8h à 15h30 à Saint-Clotilde, chemin de la Grotte, Fontbrune, rue Gabriel Massé, chemin Aristide Gauvin, chemin de Grand Canal, à Petite-Île de 8h30 à 16h, rue de la Source, Maé de la Bourdonnée, du Casino, du Stade Joseph Fontaine de la Cure et Joseph Lacarré, à Sainte-Suzanne de 8h15 à 15h, rue des Palmiers, impasse des Corbeilles d'Or, rue des Cannelles, des Rosiers, des Lauriers, Carpaille, Taillamé, Michel, rue Belzamine, Louis Aragon, rue des Citronnelles et avenue Raymond Vergès, ainsi qu'à Saint-André de 8h45 à 16h30, rue Jean de la Fontaine et Michel Montaigne. Et puis le TCO mène actuellement une enquête publique sur la révision du SCOT. Vous intéressé à l'aménagement de votre territoire afin d'en savoir plus sur ce schéma de cohérence territoriale de l'Ouest, le TCO vous invite à une réunion publique ce mercredi en salle du Conseil municipal de Saint-Paul de 17h30 à 19h30. Allez, le réveil, il se passe ici, avec nous, oui, un grand matin. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On vous attend sur le 06 92 70 2000, comme tous les matins. Mm-hmm. Jonathan. Le bonheur. Le bonheur. J'ai porté le jour d'avant. Je passe le clair de mes nuits à repenser la vie, à passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer ma vie. Le bonheur, c'est pas le but. Les cahiers, les dessins que j'ai gardés du jardin d'enfant. Je passe mon temps à penser à l'avant, à l'après. Allez, c'est décidé, je veux profiter de mon présent. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer ma vie. Et j'espère que le bonheur, vous le partagez avec nous le matin. En tout cas, le bonheur d'être là, hein, jusqu'à 8h avec toute l'équipe. Florent Marot s'est installé. C'est le moment de parler d'actualité du jour. C'est normal, allez. Il est 6h sur la première. Le journal, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous êtes peut-être dans les bouchons ce matin, peut-être même tous les jours, et cela vous est sans doute arrivé. Laissez passer une ambulance ou un camion de pompiers. Normal, oui, mais parfois les secours ont du mal à se faire un passage. C'est le dossier de ce journal. Le parc national va-t-il être déclassé ? Réponse aujourd'hui. Les conseillers régionaux doivent se prononcer en commission permanente sur le lancement d'une étude, ou plutôt d'un état des lieux du parc national. Le sujet fait polémique. Les faits se sont déroulés dans une résidence de la cité universitaire à Saint-Denis. Une jeune femme aurait été violée hier. Les policiers auraient déjà interpellé un groupe de jeunes. Les étudiants, eux, ont prévu une marche blanche aujourd'hui. Et puis le chômage, il est en hausse à La Réunion. Une situation difficile à vivre pour les demandeurs d'emploi. Ils ont souvent besoin d'être écoutés. Et justement, SOS Solitude a besoin de nouveaux bénévoles pour devenir écoutants. Une réunion d'information est prévue ce soir. Appelez ça un appel au civisme. Quelquefois, dans les bouchons, il arrive que les véhicules d'urgence, le SMUR ou les pompiers restent coincés parce qu'un automobiliste n'ose pas dépasser le feu rouge d'un centimètre. De quoi agacer les secouristes qui gardent leur sang-froid mais qui aimeraient parfois un peu plus d'attention de la part des automobilistes. C'est le dossier de ce journal. Bruce Régent. Dilemme pour Nathalie. Que faire quand elle est la première de la file et que les sirènes hurlent derrière elle ? L'ambulance jaune est bloquée. Franchir le feu rouge, non. Je veux pas me faire verbaliser aussi. Mais faut-il se crisper sur son volant et faire comme si on n'entendait rien ? Le SMUR y est confronté quotidiennement et le docteur Bertrand Guillard appelle au civisme avec discernement. On va pas parler d'agacement. L'équipe qui part en intervention est très concentrée, très apprêtée. Ça sonne, hein. Oui, c'est le bip. Le préfère effectivement avoir à penser à l'intervention plutôt qu'à gérer des difficultés de déplacement. Parfois, se dégager, pas griller un feu rouge, mais se dégager de quelques mètres va tranquilliser tout le monde, c'est sûr. Et c'est ce que Claude Moinard, responsable d'auto-école à Sainte-Marie, essaye d'inculquer à ses élèves en rappelant qu'en cas d'accident, ils seront responsables. Mais que faire obstacle est moralement peu défendable. Quand ils sont bloqués dans un feu, ils peuvent très bien s'avancer, je respecte toujours, en évitant de franchir carrefour à fond, c'est pas ça. Ils peuvent s'avancer un petit peu, on sait très bien que quand il y a un feu, ils restent 4-5 mètres, qui permet à chacun donc d'avancer un petit peu, en respectant les autres, et de libérer derrière pour que les autres puissent également s'avancer un petit peu, s'écarter, c'est tout. Question de dosage donc. Alors Nathalie, on fait comment la prochaine fois ? On va faire notre possible surtout. Moi j'ai connu ça pendant mon accouchement. La santé, toujours à La Réunion et à Mayotte, près de 2000 personnes sont victimes d'un AVC. Partant de ce constat, la clinique des Tamarins au port et le CHU ont signé hier une convention pour garantir le parcours de soins suite à un accident vasculaire cérébral. On saura aujourd'hui si la région lance finalement son étude sur le parc national. Les conseillers régionaux doivent se prononcer en commission permanente. Pour la région, pas question de parler de déclassement, le mot fait polémique. Cette étude serait le début d'une réflexion sur l'évolution de la structure, une histoire de sémantique selon l'opposition. Dernièrement, la directrice du parc, Marilène Noireau, a même été débarquée de son poste pour avoir critiqué un éventuel déclassement. Marilène Noireau, toujours soutenue par de nombreux politiques, Daniel Gontier, le président du conseil d'administration, ne participera pas d'ailleurs à l'étude de la région. Il ne veut pas, je cite, être associé à la destruction du parc national. Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis, a lui voté une motion pour réclamer des explications à la ministre Ségolène Royal. Il y a une absence d'explication, je ne dis pas publique, elle aurait pu donner des explications, notamment aux parlementaires qui eux-mêmes avouent leur méconnaissance des raisons. Donc voilà, on est dans l'incompréhension et c'est un sujet sensible puisque nous menons depuis quelques années un travail, certains appelleront ça un combat, pour qu'il y ait davantage de rayonnés aux postes de responsabilité, notamment dans l'administration. Et bien sûr, quand un rayonné se fait relever de ses fonctions, c'est une vraie interrogation, une vraie inquiétude pour nous. C'est un combat que vous avez d'ailleurs mené avec Erika Baretsch, qui était dans votre équipe et qui aujourd'hui a rejoint le ministère des Outre-mer. Justement, aujourd'hui, vous avez des contacts avec elle, vous savez. Bien sûr, Erika a eu la gentillesse de m'appeler, donc on a échangé. Évidemment, ce n'est pas de sa compétence, mais je pense qu'elle ne restera pas inerte. Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, au micro Réunion Première de Delphine Poudroux. L'éviction de Marilène Noireau, on en reparlera à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Richel Sacri, le délégué régional du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'outre-mer. La région qui est engagée sur un autre front, celui de la nouvelle route du littoral et de ses besoins en roches massives, selon le quotidien de ce matin qui cite un courrier du groupement GTOI, SBTPC Vinci, les deux carrières de Saint-André ne correspondent pas aux besoins de la la NRL. Le projet de carrière à Bois Blanc du côté de Saint-Leu prend donc un peu plus d'épaisseur. Une manifestation du collectif Touche pas notre roche est prévue ce dimanche à 9h30. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude des professeurs du lycée Roche-Maigre à Saint-Louis. Ils ont débrayé une demi-heure hier pour dire non à la violence et aux incivilités à répétition. D'ailleurs, au même moment, le conseil de discipline statuait sur le cas d'un élève auteur de plusieurs agressions physiques. Pour les enseignants, cela ne peut plus durer. Il fallait alerter le rectorat, les parents et les collectivités. Élise Dinat est professeure d'histoire géo au lycée de Roche-Maigre. Ce sont des actes d'incivilité tous les jours. Tous les jours, ils menacent les collègues, ils refusent d'obéir au règlement, ils ont des comportements totalement inappropriés à la gestion d'un groupe. Ce sont des enfants, en fait, qui ont du mal à vivre en société et du coup, ça se répercute dans tous nos enseignements. En gros, ils viennent en classe pour... Pour mettre du désordre. Et puis, on n'a pas trouvé la clé pour essayer qu'ils restent avec nous, mais en même temps que ce soit constructif. Nous, on veut bien les aider, on est motivés, mais il faut que les parents nous aident, il faut aussi que l'environnement de travail soit agréable et il faut que l'élève joue le jeu. Or, pour l'instant, on a des individus qui refusent de jouer le jeu. Élise Dinat, professeure d'histoire géo au lycée de Roche-Maigre, au micro Réunion Première de Pierre Comorassami. Les chiffres du chômage, ils repartent à la hausse. Fin août, notre île comptait 135 300 demandeurs d'emploi en catégorie A, soit une hausse de 0,6% sur un mois. Une hausse qui touche surtout les jeunes, les moins de 25 ans. Bonne nouvelle en revanche, le chômage recule dans notre île sur un an, moins 0,9%. 6h07 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Les faits se sont déroulés dans une résidence de la cité universitaire à Saint-Denis. Une jeune femme aurait été violée hier après-midi. Le campus est sous le choc. Les forces de l'ordre venues en nombre ont quadrillé le secteur. Selon le quotidien de ce matin, ils auraient déjà interpellé un groupe de jeunes. Les étudiants, eux, ont prévu une marche blanche aujourd'hui contre l'insécurité. Vous avez été agressé, justement, ou licencié abusivement. Vous souhaitez une consultation gratuite avec un avocat. La mairie de Saint-Denis proposera à partir du 8 octobre des séances gratuites avec un professionnel du barreau de Saint-Denis. Tous les thèmes pourront être abordés. Une convention de partenariat a été signée hier entre la mairie et l'Ordre des avocats. Une initiative qui vient compléter le dispositif en place. Les précisions de Lani Velupoulé-Merlot, deuxième adjointe déléguée à la sécurité. La ville dispose d'un point d'accès au droit et de 200 de justice sur son territoire. Et ce sont des structures qui proposent déjà une alternative aux citoyens. Donc l'objectif de cette convention, c'est bien évidemment d'élargir cette offre et les dispositifs pour simplifier la vie des Dionysiens. Vous savez, souvent les gens n'osent pas franchir la porte des cabinets ou d'autres n'ont pas le réflexe de s'adresser à ces professionnels du droit. Donc le lieu de la collectivité est important parce qu'il va permettre des temps de rencontre et permettre au public et aux professionnels du droit d'échanger en toute simplicité, en dehors des lieux communs de justice et également sans le poids des procédures. Nalini Velupoulé-Merlot, deuxième adjointe de Saint-Denis, déléguée à la sécurité, interrogée par Delphine Poudroux. Les consultations sont prévues chaque deuxième samedi du mois à partir du 8 octobre à la salle polyvalente de la mairie. Un chiffre pour terminer ce journal, 18 707, c'est le nombre d'appels reçus à SOS Solitude Réunion l'an dernier, des écoutes assurées par des bénévoles, ils donnent de leur temps pour aider ceux qui en ont besoin. Mais aujourd'hui, l'association a besoin de nouvelles oreilles, une réunion d'information est prévue à 18h ce soir, rue Lucien Gasparin à Saint-Denis. Les précisions de Nadine Rivière, la présidente de SOS Solitude. Actuellement, nous sommes à 46 bénévoles écoutants. Mais par le jeu des absences, des impossibilités, on peut être qu'à la moitié pratiquement. Il nous faudrait à temps complet 70 personnes pour écouter correctement et pour qu'il n'y ait pas de fatigue, qu'il n'y ait pas de phénomène d'usure. C'est cela aussi, parce que nous perdons des bénévoles parce qu'ils sont usés ou ils sont fatigués ou ils traversent une période où ils n'ont pas envie d'écouter. Mais quoi qu'il en soit, comme toute association qui vit, qui bouge, qui grandit, il nous faut du sang neuf, il nous faut renouveler, il nous faut des options nouvelles, des attitudes nouvelles, et puis qui nous boostent aussi pour qu'on puisse avancer. Nadine Rivière, la présidente de SOS Solitude, au micro Réunion Première de Joanne Adamadorassi. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin du premier débat pour la présidentielle aux États-Unis avec Noémie Bonin. Les Américains sont en train de regarder leur candidat à la Maison-Blanche s'affronter. C'est le premier grand débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. La candidate démocrate est plutôt à l'offensive. Elle a attaqué son rival républicain, entre autres sur son importante fortune. Elle l'accuse aussi de considérer le réchauffement climatique comme un canular. Donald Trump, de son côté, a insisté sur le problème des délocalisations des emplois, notamment vers le Mexique. Les discussions portent désormais sur les tensions entre communautés et sur les armes à feu. Vous pouvez suivre le débat américain en direct sur France Info à la télévision et sur franceinfo.fr. Une poignée de main historique en Colombie. L'accord de paix avec les FARC a été signé dans la soirée par le président colombien et le chef de la guérilla. C'est la fin d'un demi-siècle de conflits armés. L'Union européenne, de son côté, suspend les FARC de sa liste d'organisations terroristes, ce qui doit permettre de lever certaines sanctions. La mobilisation des salariés d'Alstom à Belfort continue. Ils prennent le train tôt ce mardi matin, direction Paris, pour manifester. Les syndicats appellent à la grève sur tous les sites du groupe. Ils sont toujours dans l'attente de réponses sur leur avenir. Ils n'ont pas eu d'informations de la part de leur PDG ce lundi. Le transfert de l'usine de Belfort vers l'Alsace menace 400 emplois. De nombreuses réactions politiques, notamment à droite, après l'annonce des derniers chiffres du chômage ce lundi. Forte hausse au mois d'août, plus 1,4%. C'est l'augmentation la plus nette depuis 3 ans. Elle concerne toutes les classes d'âge. Le chômage de longue durée également est reparti à la hausse après 5 mois consécutifs de baisse. La CGT veut faire de cette journée une tribune pour les libertés syndicales. C'est le procès de la chemise déchirée à partir de ce mardi. Il y a un peu moins d'un an, deux cadres d'Air France étaient chahutés. S'était retrouvé la chemise en lambeaux. 15 salariés sont donc jugés, certains pour violence en réunion, d'autres pour dégradation. Deux grands noms de la police française en garde à vue depuis ce lundi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour trafic d'influence. C'est l'ancien patron de la prestigieuse police judiciaire parisienne, Christian Flech, et Bernard Squarcini qui gérait lui le renseignement antérieur. La justice le soupçonne d'avoir utilisé ses anciens contacts pour récupérer des informations confidentielles alors qu'il avait quitté la police et avait créé une entreprise privée de conseil. Le quartier de l'affaire de la Défense en région parisienne bouclé toute cette nuit jusqu'à 5 heures. C'est pour une simulation d'attaque terroriste de grande ampleur. Plus de 600 policiers, agents de la RATP et de la SNCF sont mobilisés pour cet exercice, avec aussi des centaines de figurants qui jouent les victimes et les terroristes. 6h13 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ah, Mickaël, soleil encore aujourd'hui ? Ouais, il va y avoir du soleil, mais par contre, c'est le retour du vent aussi. Hein, avec donc quelques jours sans vent, on l'avait presque oublié. Il va revenir sur Saint-Pierre, notamment, même sur les plages cet après-midi. Et puis l'autre côté de Sainte-Suzanne à Sainte-Marie, avec des rafales entre 50 et 60 km/h, un vent qui va progressivement se mettre en place. Hein, dans le courant de la journée, ce matin, on va se réveiller sous le soleil, avec quelques nuages quand même qui vont traîner à l'est. Des températures plutôt douces au réveil, hein, contrairement à ce qu'on avait notamment la semaine dernière. Il fait 8 au volcan, 21 au port et à Saint-Denis, et 13 du côté de l'entre-deux ce matin. Cet après-midi, on ira jusqu'à 27 sur le littoral, et les nuages vont s'imposer tout de même sur les hauteurs, notamment les hauteurs du nord-ouest, entre Saint-Denis et Saint-Paul. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on prend la direction de l'étang salé. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude Machir, vous êtes avec nous ce matin pour l'information routière. C'est à vous, bonjour. Bonjour Jean-Claude Machir. Oui, bonjour, heureux de vous retrouver. Je pense beaucoup à vous pour ce dimanche. Alors pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je vous surnommerai les sportifs du bien parler et de la langue jusqu'à dimanche. On règle ça plus tard. Ouais. En tout cas, le temps est agréable. La circulation reste belle encore ce matin à cette heure-ci. Pas de grosses difficultés de circulation, que ce soit dans le sud, dans l'est, dans le sud ou dans l'ouest. On a juste un ralentissement, comme d'habitude, au niveau de la route digue à prendre en direction du pont. Et sinon, sur l'ensemble du réseau routier, cela se passe plutôt bien. Dans le sud, entre les giratoires de la Plaine et de Bois-Canotes, là, ça roule bien. Du côté giratoire de la Caffrine, pas de difficultés particulières. Et sur la route des Tamarins, ça circule encore assez bien ce matin, une légère brise ici du côté de l'Étang Salé, mais le temps reste agréable. Alors soyez prudents et bonne route à vous. Ouais, alors Jean-Claude Méchère parlait de la course dimanche que toute l'équipe de Grand Matin va faire, hein, ça c'est sûr. Jean-Claude. Quoi, oui, tu ris à toi? On verra dimanche. On verra dimanche comment vous allez courir, vous. On va voir. On va s'amuser. Ouais, on va rigoler. Il va y avoir du sport. Ouais, moi, on va rigoler. À plus tard. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand Matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Ça sera le relais de Saint-Denis. Ouais. Le relais de Saint-Denis, alors, venez nous encourager. On va avoir besoin d'aide. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais on va le faire, on n'est pas que des sportifs de la langue, on va être aussi sportifs avec nos pieds et nos bras. Hein, tu sais, quand on parle de ce relais de dimanche, j'ai déjà des crampes. Oui, je sais. Ça va être compliqué. Ouais. Je sens que ça va être compliqué. Bon, en tout cas, ce qui est moins compliqué, ce qui est plus simple, c'est que ce matin, vous allez pouvoir repartir avec 20 euros. Ouais, de bons d'achat. On vous prend votre porte-monnaie. Allez, deux secondes, on vous le vole pas. Non. Et on vous insère 20 euros dedans. C'est voilà. Ça. Et comment qu'on fait? On va pouvoir les dépenser chez Espace Fraîcheur. C'est moins difficile que de faire un relais. Il suffit de prendre son téléphone et de composer le 02 62 99 2000. Ne vous inquiétez pas, ça fait brûler zéro calorie, mais ça rapporte de la thune. Donc c'est très bien. Et puis on ira sur le marché aussi, de beaux séjours. Avant de vous faire... Enfin après, juste après vous avoir fait d'accord. Gagner. On gagne d'abord de l'argent, ouais. Après on file sur le marché. On gagne d'abord 99 2000. Où que vous soyez, excellent début de journée avec nous. Oui. Vous êtes dans Grand Matin. Mmh. Un bisou à Sabrina, il dit à nous la pluie, il tombe sur Saint-André, aïe aïe aïe. Ah oui, ça. Oui, ben. Il y a un peu de nuages dans l'est, hein. Ben. Voilà, on peut pas être partout. Non. Mais ça va après, pas une gros nuage. Ouais, ça va partir normalement. Ben c'est ce qui est prévu. Alors. Allez, Dominique Barret. Caroline Jeudune, nue destinée sur la première. C'est pour l'amour, vous. L'amour, maman, et l'amour. Pourquoi l'amour, ça me sort une vive un sentiment qui grandit dans la vie. Les jours nous respirent les. Faut pas n'inviter les, mais les filles n'invitent les. Ça sentiment pour la vie. Tous les jours, tous les cœurs peuvent faire clic. Mon petit franc qui me voit mourir, qui me lèque et foutre sous la moitié. Tout même nos destinées. Mon petit franc qui me voit mourir, qui me lèque et foutre sous la moitié. Tout même nos destinées. Sentiment qui fin prend place, te l'emprunte dans mon liqueur. Toi fini, tout mon plus qui aime la vie. Mon liqueur pas d'étini, sans l'amour qui dégrandit. Oh oui l'amour, toi visible, mais ton fais-moi tout qui sous. Sentiment qui fin prend place, te l'emprunte dans mon liqueur. Toi fini, tout mon plus qui aime la vie. Mon liqueur pas d'étini. L'amour qui fait grandir. Oh oui l'amour. On pose ma question qui était ça l'amour. Qui rend nous fous tous les jours. Qui donne nous l'espoir. Pour vivre nous la vie. Quand on gagne l'âme sœur, faudrait pas tout l'agler. Pas pour gagner dans la vie. Chérie, comme les sont l'importance. L'amour sincère, la peine à banguer. Quand nous gagnons, nous paix, nous vies, c'est sincère. Hey, pour suivre nos destinées. Dans la vie, quand nous sincères, l'amour fidèle, la peine à banguer. Hey, pour suivre nos destinées. Dominique Barret avec nous destinés sur Première dans toute la Réunion. Restez là, on revient. 20 euros à gagner. 20 euros maintenant, là, au comme 99 ça. 99 2000. On vous les donne. C'est gratuit. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans. Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Creole, le talent show made in Réunion Première. Et comme chaque matin, c'est bien. Moi, je vois ce qui est bien, c'est que vous avez envie de manger des fruits et des légumes. Mm-hmm. Vous avez envie de manger équilibré. Hein, c'est bien. Bah ouais, c'est pas mal. Bon, c'est bon le sandwich pain bouchon. Ma maman, il faut passer à autre chose. Bon oui, on peut mettre deux feuilles salade dedans. Ça même, ça même. Allez, si on est du côté du standard. Allez. Au 99-2000, on va faire un petit tour du côté de... aujourd'hui. Allez, choisis, Isa. Saint-Clos. Va... Saint-Clos. Oui, ça me plaît. Allez, bien. Allez, pourquoi Saint-Clos. Pas Saint-Clos. Eh bien, on accueille Stella. Bonjour Stella. Coucou Stella. Bonjour. Ça va? Oh, la petite voix du matin. Ah, toute petite voix. Faut pas faire de bruit, hein, on dirait, ce matin, là. C'est ça? Non. Ça va, Stella, au moins? Ça va. Bon, bah ouais, très très bien. Alors, vous êtes femme au foyer, c'est ça? Oui. Vous avez un enfant, il a quel âge, le marmaille? 3 ans demain. Oh, 3 ans demain. Eh bon, il faudra qu'on le rappelle demain. Comment il s'appelle? Malika. Ah, c'est une petite fille. Malika. Ok, bah c'est noté. Malika, 3 ans, le 28 septembre. Les gentils, un bon petit marmaille. Oui, oui. Bon, elle est mignonne, il cause bien. Oui, il croit partout, il fatigue maman. Ah oui. Eh ben c'est un bon marmaille. Mais Stella, pour la petite Malika, on va pouvoir cuisiner parce qu'avec 20 euros, ça peut toujours être utile. Eh oui. Bah, oui. Bah, c'est pour vous, Stella. 20 euros à valoir dans les magasins Espace Fraîcheur. C'est pour vous. Gros bisous, merci. Stella. Et bienvenue dans la communauté Grand Matin. C'est la première fois que vous appelez, Stella. Oui, oui, c'est ça. Pas la dernière, attention, hein. Bon. Allez, bon réveil, Stella. Bisous. Salut. Merci, au revoir. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver au marché ? Priska, bah écoutez, on a fait le tour pour nous. On peut rencontrer Henri. Bonjour, Henri. Bonjour Henri. Bonjour Henri. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez travailler là? Oui, je travaille dans une heure à peu près. Ouais. Donc juste avant d'aller travailler, vous faites votre marché? Tout à fait, c'est ça. Et vous n'avez pas froid donc, Henri? Non, c'est pas froid, ça va. Alors vous avez choisi quoi comme légumes ce matin au marché fin de beau séjour? J'ai pris des carottes, j'ai pris des betteraves, j'ai pris des fruits, etc. Quoi. Le prix était correct? Oui, c'est correct. À combien le kilo de carottes ce matin? Je sais même plus. Moi, ah, vous voyez, tellement c'était pas cher, il a même pas retenu le prix, Henri. Henri, on va vous souhaiter une belle journée. Merci. À bonne bientôt. Journée, Henri. Merci, Henri. Donc, allez, il y a à peu près 10 forains ici sur le marché forain de Beau Séjour. Mais la bonne nouvelle, c'est que les clients et les clientes sont déjà arrivés, comme vous avez pu le constater avec Henri. Et puis, la pâtisserie est ouverte hein, derrière. Hein, ah oui, ça, on n'a pas oublié. Qui veulent manger et Christian. La brioche. Mmh. Orange chocolat. Orange chocolat. Mmh. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites? Range des carottes. Ah, et c'est des carottes pays ça quand même. Hein. Bah oui, il faut les mettre à l'honneur ce matin. Ça coûte combien? Là, pourquoi mettre le prix de 2 euros le kilo? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je crois qu'il va les vendre entre 2 euros et 3 euros, c'est ça? Ils sont en train de déterminer les prix. D'abord, on met les légumes sur la table. Mmh. Après, on fait le tour avec les autres bazardiers du marché pour aligner les prix. Ça se passe comme ça? Ah bah oui. Ah. C'est ça. Oui, parce qu'au fond, là-bas, Marie-Annick, elle m'a dit, attends, moi j'attends les autres pour afficher le prix de la tomate. Mais je crois que la tomate va se vendre à 1 euro le kilo. Vous confirmez, Michel? 1 euro le kilo. 1 euro le kilo. Bon, bah écoutez, on vous attend ici, hein, sur le marché forain de Beau Séjour. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, on parlera de la cuisine antillaise. Pour ceux et celles qui ont des recettes à partager, Colombo, venez nous rejoindre. Etc. Oui, ou le manger coco aussi, c'est bon. Ça, c'est un flan au coco. Ouais. Ouais. À tout à l'heure dans la Coljac. À tout à l'heure, Priska. On apprend les coutumes du marché avec Priska. J'ai faim. Comment fixer les prix, tout ça. Oui, bah, pas trop de bouffe, hein, moi j'ai faim ça donne maintenant. Faim. Bon. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, c'est le moment de parler économie avec donc le logement social et donc la construction de logement social va pouvoir s'accélérer outre-mer grâce à un nouvel amendement qui a été voté. La chronique éco, Sébastien Letard. Le Premier ministre Manuel Valls l'avait annoncé début juin, après des mois de protestation des professionnels, la suppression de l'agrément préalable pour le financement du logement social dans les DOM. Les dossiers restaient bloqués à Bercy pour des questions de procédure en attente de la validation indispensable pour pouvoir profiter du crédit d'impôt. Avec l'amendement déposé par le gouvernement, fini les blocages dus aux ailes des fonctionnaires de Bercy, comme l'annonce le ministre des Finances Michel Sapin. Bon, c'est une réforme qui est importante. On sait, y compris à Bercy, le poids

ça devrait donc, être un petit peu plus compliqué, prudence, évoluer, mais pas dans le bon sens. Prudent sur les routes, dans un quart d'heure, on aura Jean-Claude Machère. D'ici là, Cécile Thomas est installée. Il est 6h30 sur la première. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Ne pas perdre de temps, aider les malades à retrouver le maximum de facultés, c'est l'objet d'une convention signée hier. Elle devrait permettre aux personnes qui ont fait un AVC d'engager rapidement une rééducation. Explication dans ce journal. SOS Solitude recrute des bénévoles. L'association cherche des écoutants pour aider les personnes isolées qui appellent au secours. Des bénévoles qui suivent une formation spéciale, nous l'entendrons. Un premier contact avec un avocat, pas toujours facile de se lancer. Autre convention signée hier entre la mairie de Saint-Denis et l'Ordre des avocats pour offrir des avis gratuits et favoriser l'accès aux droits pour tous. Et puis des trous sur le parking de l'Océan à Saint-Denis. On n'y gare plus les voitures depuis hier. Les archéologues cherchent d'éventuels vestiges du passé avant la construction de l'espace Océan. Entamer très vite une rééducation après un AVC, un accident vasculaire cérébral, c'est important car plus la rééducation commence tôt, plus elle portera ses fruits. La clinique L'État Marin et le CHU de La Réunion ont signé hier une convention en ce sens. Le but est d'assurer une continuité des soins et de mieux coordonner les actions de suivi pour les patients qui souffrent de troubles neurologiques. Précision avec Hubert Debeu. Mettre en place un système qui va profiter aux patients à la suite d'un accident vasculaire cérébral, c'est le but de cette convention. À La Réunion et Mayotte, près de 2000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année. Leur âge moyen est de 60 ans contre 72 dans l'Hexagone. Cette convention va donc permettre aux patients traités au CHU de débuter immédiatement après la rééducation à la clinique L'État Marin. Une clinique spécialisée, Gérard Dabadi est le PDG de cet établissement. Plus elle est précoce et plus elle donne de bons résultats. Et donc à La Réunion, on a un enjeu qui est extrêmement important puisqu'on a des patients jeunes qui sont souvent encore au travail. Pour Lionel Calange, le directeur général du CHU de La Réunion, cette convention va permettre une meilleure prise en charge des malades victimes d'AVC. Ça permet d'avoir des prises en charge croisées, d'avoir des informations médicales partagées, des staffs médicaux communs et surtout il y a des bilans urodynamiques qui sont réalisés par des équipes du CHU de La Réunion. S'il y a une urgence ou une récidive d'AVC, à ce moment-là il y a une filière d'adressage de la clinique vers le CHU. Résultat, les séquelles seront moins nombreuses pour les patients. Cette prise en charge de la maladie et de sa rééducation va nous permettre de récupérer le maximum qui peut être récupéré par les prises en charge, s'occuper de la réinsertion du malade. La clinique L'État Marin accueille chaque semaine entre 8 et 10 patients pour une rééducation suite à un AVC. Ils y restent en moyenne 45 jours. Hubert Debeu, c'est un sujet tabou dont on ne parle vraiment pas facilement. À La Réunion, on estime que 3 femmes sur 10 sont victimes de violences psychologiques. Et souvent, ces violences s'exercent dans le cercle fermé des familles. On peut se sortir de situations telles que celle-ci, mais il faut d'abord en parler. L'association Les Amis de l'Université a invité Anne-Laure Buffet. Elle est thérapeute et animera 3 conférences publiques gratuites sur le thème des violences psychologiques intrafamiliales. 3 conférences qui auront lieu aujourd'hui au Tampon, demain à Saint-Gilles. Et jeudi à Saint-Denis, à Norbuffet. La première va démarrer de qu'est-ce qui constitue une violence psychologique, qu'est-ce qui fait d'une personne une possible victime ou une victime de violence et qu'est-ce qui fait aussi d'un individu un possible bourreau de violence psychologique. La deuxième est plus concentrée sur les enfants, le cas des enfants, pourquoi est-ce qu'ils peuvent être victimes et comment les prémunir, comment éviter qu'ils se retrouvent victimes de violence psychologique. Et la troisième est sur l'étape de la reconstruction. Donc à partir du moment où une victime a compris qu'elle était en souffrance, et qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour s'en sortir. Je vais essayer de donner des clés, en tout cas des pistes de réflexion et puis aussi des pistes de personnes à contacter ici à La Réunion directement pour avoir des informations et des aides. Anne-Laure Buffet interrogée par Pierre Komorasamy. Premier rendez-vous donc ce soir à 18h15 sur le campus du Tampon. Là aussi l'enjeu est de sortir de l'isolement. Écoutez ce chiffre, 18 707, c'est le nombre d'appels reçus à l'antenne locale de SOS Solitude en 2015. Au bout du fil, des bénévoles prêts à répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'association en compte aujourd'hui 46, mais seule la moitié est active à plein temps. C'est pourquoi SOS Solitude recrute. Objectif, atteindre les 70 bénévoles pour assurer un service de qualité. Johanna Damadorassi. Mal-être, angoisse, séparation ou encore douleur physique ou morale, autant de raisons qui peuvent amener un individu à composer le numéro d'SOS Solitude. À l'autre bout du fil, un bénévole va tendre l'oreille. Nadine Rivière, la présidente de l'association. Nous ne sommes pas des conseilleurs. Ce qu'on sait faire, c'est écouter et permettre à la personne de s'écouter elle-même. de se retrouver dans sa problématique. Pour cela, le bénévole aura bénéficié d'une formation. Il continuera à être encadré par l'association tout au long de son parcours. Se remplir de charges émotionnelles, parce que c'est très fort les échanges que l'on a à l'écoute, c'est quelque chose qui est très enrichissant, mais c'est aussi très difficile à absorber. Donc toutes les 3 semaines, on se doit de débriefer avec un professionnel de santé. Et pour améliorer l'écoute, leurs encadrants ont mis en place des jeux de rôle. On va interpréter un appelant, un écoutant. On va refaire pour voir si notre stratégie d'écoute est correcte. 4 heures par mois, la durée minimum d'une écoute pour un bénévole. Quelques heures qui peuvent aider une personne à passer un cap difficile, mais aussi à sauver une vie. Chaque année, le mois d'octobre est marqué par une multiplication des appels pour l'association, d'où ce recrutement. Johan Adama Dorassi, le numéro de SOS Solitude, c'est le 0800 100 925 pour être entendu. Une réunion d'information pour ceux qui voudraient devenir bénévoles est prévue ce soir au Mamascarin rue Lucien Gasparin à Saint-Denis à 18h. 6h36 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Vous avez besoin du conseil d'un avocat, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. La mairie de Saint-Denis vous donne un coup de pouce. Elle propose chaque deuxième samedi du mois de prendre rendez-vous avec un professionnel du barreau de Saint-Denis. Un rendez-vous qui ne vous coûtera rien. Tous les thèmes peuvent être abordés. Il s'agit d'un premier contact qui vous aide à y voir plus clair. Hier matin, une convention de partenariat a été signée entre la mairie et l'Ordre des avocats. Pour les professionnels, c'est un prolongement des consultations gratuites déjà proposé à la Maison de l'Avocat tous les samedis matins. Et l'objectif est le même, répondre aux besoins de proximité et d'écoute. Maître Chandra Kishnin, bâtonnier de Saint-Denis. Nous voulions, à travers ce partenariat avec la commune de Saint-Denis, montrer que la justice peut être au service des justiciables, du plus grand nombre. Et donc c'est dans un souci aussi de proximité que nous avons fait cette démarche. Alors quel type de procédure ou quel type de problème on pourra aborder avec les avocats qui seront présents ? Toutes sortes de problèmes, nous sommes vraiment ouverts à toutes les matières. Mais ça va fonctionner selon un système un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faudra prendre des rendez-vous au préalable et puis exposer très succinctement lors de la prise de rendez-vous l'objet du litige ou l'objet de l'affaire qui vous occupe. Qui sont les avocats bénévoles ? Nous avons fait une liste, donc c'est avec des équipes qui vont tourner au fur et à mesure, et donc c'est sur le bon vouloir des confrères, et croyez-moi qu'il y a suffisamment de motivation au sein du barreau pour déjà remplir le planning jusqu'à la fin de l'année. Maître Chandra Kishnin, bâtonnier de Saint-Denis, au micro de Delphine Poudroux. Les consultations débuteront le 8 octobre, puis les 12 novembre et 10 décembre 2016 de 9h à 12h à la salle polyvalente de la mairie à Saint-Denis. D'un point de vue pratique, ça se résume par « il n'y a plus de parking de l'océan à Saint-Denis ». Des pelleteuses sont sur le site depuis hier pour creuser le sol. Les archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche et d'Archéologie Préventive, s'activent sur le futur espace océan. Le sol est sondé à une 60aine d'endroits sur les 3 hectares concernés. Avant de construire, on s'assure qu'aucun trésor archéologique ne sera détruit. Pour l'ingénieur Jean-Michel Martin de l'INRAP, ce diagnostic est fait de telle façon qu'il faudrait une très grande malchance pour rater les éventuelles traces laissées par les premiers habitants de l'île. Il n'est pas exclu aussi de trouver des vestiges plus anciens. Ça, c'est ce qu'on aimerait trouver, puisqu'on sait que des navigateurs arabes ont circulé sur les mers, se sont arrêtés sur l'île pour faire du ravitaillement pour les bateaux. On pourrait, si on avait beaucoup de chance, trouver peut-être une halte, un petit campement précaire ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on en est loin. Et il faut savoir que ce terrain est situé immédiatement en limite de la ville ancienne de Saint-Denis. La rue des Limites porte bien son nom. Donc on pourrait trouver quoi, un cimetière ? En bordure, c'est ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On a des cartes anciennes du 18e qui montrent des attributions, des concessions de terrain. Mais la nature du terrain, son usage, culture, pas culture, on ne sait pas. Les sondages, justement, éventuellement, permettront de répondre au moins à cette question. Jean-Michel Martin, ingénieur à l'INRAP, au micro de Bruce Régent. Et les trous dans le parking de l'océan, ça devrait durer une semaine à peu près. Ah ben, il faut faire gaffe. Hein. Oui, c'est un peu comme sur la route du volcan. C'est ça. Non mais là, on ne peut pas entrer sur le parking, donc, c'est tout différent. Tout va bien, ouais, effectivement. Merci, merci Cécile. À tout à l'heure pour les unes de la presse, à 6h50. Alors, à tout 6h39. Est-ce qu'il y aura des trous dans le ciel ? Hein? Oui, des trous de ciel bleu. Bah oui. Normalement. Quand même. Oui, quand même. Même si les nuages s'attardent dans l'est, il pleut même par endroits à Saint-André et à Sainte-Rose. Oui. Le ciel bleu s'impose ailleurs, les températures vont grimper jusqu'à 27 degrés sur le littoral ouest cet après-midi. Le vent va souffler de 50 à 60 km/h sur le sud-ouest et le nord-est, un vent qui va rentrer sur les plages. Et si vous voulez vraiment de la chaleur, alors apparemment, on fait une prévision à 7 jours, donc c'est un peu lointain, mais en début de semaine prochaine, elle devrait arriver sur le littoral, cette chaleur estivale. On aura le temps d'en reparler. Et on sait, on n'est pas fou, hein, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude Machy, vous êtes à Saint-Louis. Oui, à la rue Saint-Louis, en revenant du giratoire de la Palissade, avec une circulation qui reste très dense, prenant direction du centre-ville pour rejoindre la Nationale. Vous êtes nombreux à venir de la route de Sillaos, et ça coince comme tous les matins dans ce secteur. Beaucoup de monde aussi sur la route des Tamarins, avec des ralentissements au niveau du viaduc de Saint-Paul, prenant direction du port, et au niveau de Saint-Denis. Ça ralentit uniquement au niveau de la caserne Lambert vers le barrage froid. Dans l'est, la circulation reste très dense et ce, depuis Petit Bazar en direction de Saint-Denis. Quelques petits ralentissements au niveau de la ravine des Chèvres, toujours en direction de Sainte-Marie et de la capitale. Le boulevard sud, pour l'instant, reste encore dégagé. La circulation y est très dense, mais ça roule dans les deux sens de circulation. Et sur le boulevard de la Providence, là aussi on dénotait quelques petits ralentissements, mais rien de bien méchant. Dans le sud, circulation encore fluide pour l'instant. Léger ralentissement au niveau des casernes prenant en direction du boulevard Vance, mais le temps est agréable, alors soyez prudents et bonne route à vous. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Avec toute une bande de fous. Dans cette équipe de grand matin, mais, oui, mais on se sent des fous qui ne sont pas vraiment fous en fait, hein, faut pas croire. Oui, mais enfin, on est moins seul avec vous, parce que vous êtes sur les routes, vous êtes à la case, vous êtes peut-être en randonnée, je ne sais où. Tu crois qu'on m'appelle comme ça? Il y en a qui sont déjà en train de marcher, vraiment. Il y en a qui se préparent pour le grand raid, pas les oublier. Ah, c'est vrai. J-24, avant le grand raid aujourd'hui, vous suivrez sur radio, la radio, la télévision et sur Internet. Sur Réunion Première, forcément. Bien sûr. Comme toujours, grand raid, nouvelle édition. Et puis ce matin, eh bien, pourquoi pas vous emmener sur les traces du grand raid. On vous prépare un petit week-end à Sillaos pour vous, et rien que pour vous, pour ceux qui nous écoutaient là ce matin, eh bien vous repartirez peut-être avec 7000 hôtels pour deux personnes dans un hôtel 4 étoiles, l'hôtel Sidla Otsa, avec destination Sud Réunion. En faisant quoi? Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a quasi rien à faire. Il suffit d'envoyer un petit message, coucou les amis, gros bisous, tout ça, sur le 70-2000 ou alors un petit like, un j'aime sur la page de Grand Matin et on fera tirage au sort, il y aura des cadeaux, des places de ciné tout au long de la semaine et le grand tirage au sort vendredi. Voilà, donc on sélectionne soit sur Facebook, donc on sait pas encore, soit par SMS. Donc on salue Nadine, on salue Guillaume, on salue Frédéric qui nous ont déjà envoyé leur message sur le 70-2000. Et puis Linda ou Lisa, il y a Linda et Lisa d'ailleurs, sur Facebook notamment. La page Grand Matin, GRN apostrophe matin. Lisa, elle est comique, elle fait pas un petit j'aime, elle envoie direct son numéro de téléphone. Comme ça, c'est plus simple, non? C'est réglé. Ne vous inquiétez pas, elle Lisa. Elle est pratique, Lisa. On note. C'est on bon, note. C'est noté. Le Lecce arrive. Maintenant, c'est les enroqués le quotidien. Oui, on parlait tout à l'heure du sport, tout ça. Vous connaissez Bon Jogger, là? Oui. On a plusieurs espèces, ça. Ah oui. Ben, il y en a un peu comme nous aussi. Il y en a oui, un peu comme nous. Aussi. C'est ça, les joggers du dimanche. C'est ça. Allez. Voire de jamais, d'ailleurs. Tous les matins, tous les soirs, on voit à Zot sur bord chemin, le Bon Jogger. Il court, il use même le corps. Il dit que n'en a trop de personnes en surpoids à La Réunion, moins comme il voit ça, mais il pose moins des questions. Mais c'est bien. Oui, mais Nana 2-3, elle est quand même là pour faire l'intéressant, hein. Nana 2-Moon y investit tellement d'argent dans Zot Jogging, ce que Nana dessus Zot pour courir les plus chers que Kosa Nana dessus ou pour aller travailler. T-shirt en lycra, bouteille de l'eau dans la main, basket adapté, casquette, écouteurs dans les oreilles. Nana certains, ils poussent le vice à mettre à Zot torse nu quand il court. Oui, alors concernant le torse nu, j'ai deux trucs à dire. Premièrement, messieurs, pas tous les corps méritent d'être exposés comme ça. Nous n'a pas besoin de voir Zot banc de vente avec un quantité la poêle et poignée d'amour y dépasse de chaque côté, balancé dans le chemin quand nous sort notre case le matin. M'y viennent prendre mon petit déjeuner, mon estomac est fragile. Deuxièmement, mesdames, comment ça Zot y commence? Hein? Les seins nus hygiènent à Zot pour courir? Ouais, c'est ça, trouve un excuse même Zot. Hashtag égalité des sexes. Mais c'est vrai, la plupart de mon y cours, c'est pas pour faire l'intéressant, c'est surtout pour Zot santé. Il demande une sacrée motivation quand même. Il veut dire, lève 4h du matin pour aller courir, ensuite prends une douche, prends l'auto, fais l'embouteillage pour aller travailler après. Autant t'es, ça va directement travailler en courant. C'est à tous en tirer la transpiration toute la journée, mais au moins, ou ben collègue, il laisserait au tranquille. N'a 2-3 pour motiver Zat, il paye carrément un coach. Zat là en bande dans Ben Park, ça. Allez les enfants, aujourd'hui on va monter les escaliers. Oui, il est comme un classe l'école. Maman, Zat professeur sport collège, t'es manqué à Zat ou quoi? Quand on passe à côté de ce Ben Band là, Zat est très fier de Zat. Genre, Zat n'est pas comme les autres joggeurs classiques, Zat. Zat a un coach. Donc, Zat ben exercices les plus efficaces. Les comme Ben Mama, ils savent en école privée, ça, c'est une bande à part, une élite. Ben, mi espère pour Zat que Zat ça gagne grand raid, hein, parce que sinon, fait rembourse à Zat. D'ailleurs, en parlant de course, ce qui est comique avec les joggeurs, c'est que toutes y portent un t-shirt avec une course que Zat l'a déjà fait. Des trails où l'a jamais entendu parler d'ailleurs. Les 10 km du Tang, le marathon de l'Aï, la course des Breds. C'est ben compétition sport ou bien ben l'épreuve cuisine là. Mais mes joggeurs préférés, ce sont les couples de femmes. Les toujours par deux quand ils courent. Zat, tu vois de quoi ils parlent? Mi marche, marche un peu le soir, docteur l'a dit, il est bon pour le cœur. Oui, oui, Ghislaine, on marche tous les soirs avec une copine sur front de mer. Pendant une heure même. Une heure de l'a dit, l'a fait. Ils battent la langue puisqu'ils battent le pied. Quand Zat l'a fini, Zat gosier, il est aussi sec que Zat t-shirt. Point un goût de transpiration dessus. Mais bon, Zat a fait un effort, Zat a essayé, fait un sport, même si t'es motivé par l'envie de commérage. Moi, m'y connais pas que ça y pourrait motiver à moi à courir comme ça. Ah si, peut-être. Mesdames, Zat est sûr qu'il veut pas reconsidérer cette histoire de torse nu. Merci Letchi, retour à 16h50. Tu cours de torse nu toi ? Dans le bon tempo. T'as vu ça nuit, non ? Sur la plage. C'est pas vrai. Sur la plage, ça m'est arrivé. Mais enfin, pas forcément à La Réunion. Hein, ah bon ? Ailleurs aussi. Ah, ouais. Seulement ailleurs. Pas ici, parce qu'ici on te d'ailleurs, reconnaît. Plutôt ailleurs. On évite ici. Bon, enfin oui, mais j'évite parce que ça serait trop magnifique quoi à regarder. Oui, hein. Bah, Julien Doré avec les limites dans un tu instant. Il y a des limites lui aussi. À les tout. Unes de la presse et puis ensuite on parlera de la pizza. Oui, mais pas n'importe laquelle. Hein. Voilà. Et puis on vous donnera une recette pour les nuls. Voilà, la pizza pour les nuls. Bah oui, donc parce pour que nous. Bah, pour nous bah, en gros. Oui. On aura Thierry Gouraud, le champion du monde de pizza. Il est réunionnais. À tout de suite. L'invité de la matinale. Vous êtes en train de nous parler de vos problèmes quotidiens que tout le monde peut entendre. Nous ne sommes pas une organisation nationale. C'est la question que tout le monde se pose. Paris commande pas nous. Comment on peut la définir, l'égalité réelle? Vraiment, monsieur Dornier. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à un séisme social? Si le combat était perdu d'avance, on le ferait pas. Hein. L'invité de la matinale avec Philippe Dornier du lundi au vendredi à 7h15 et rediffusé à 13h30 sur Réunion Première. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. Première. Allez, bon réveil, bon début de journée, où que vous soyez, à La Réunion, c'est avec nous, sur Première, Julien Doré, Les Limites. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne me fâche, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris, tu sais, après je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Julien Doré avec Les Limites. Alors pourquoi pas un jour avoir une carrière comme Julien Doré pour un marmaille, peut-être votre marmaille, peut-être le marmaille qui nous écoute ce matin. Vous avez entre 8 et 15 ans, vous pourrez participer à la deuxième saison de Kid Créole après une première qui a été lancée notamment par Pixel, Stéphanie Tazar, par Pixel. Audrey Dardenne, plutôt, je me suis trompé, et Olivier Arast de l'Indigo, qui a vu la consécration de Anouchka. Oui. Eh bien, la deuxième saison arrive prochainement en télévision et les castings se font toujours hein, jusqu'au 30 septembre. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire. Envoyez une petite vidéo www.kidcreole.re et pourquoi pas devenir la nouvelle star marmaille de Lille dans Kid Créole, le talent show de Réunion Première en télévision. Prochainement, on accueille Cécile Thomas pour les Unes de la Presse. Cécile, ce matin, on va commencer par la Une du quotidien. Et les carrières de l'Est pour le chantier de la nouvelle route du littoral. La NRL enterre les carrières de l'Est, titre Le Quotidien. Pour le groupement BTP, Dioré et Mansiol ne sont pas adaptés. Conséquence, il reste peu d'alternatives à la carrière de Bois Blanc, qui, elle, appartient à la SCPR, le groupe Colas, groupe qui travaille déjà sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Autre titre, à Saint-Denis, un viol qui secoue la cité universitaire. Les faits se seraient déroulés hier. Expérimentation à La Réunion, santé, la révolution numérique en marche, écrit le journal. Cosmétologie, pharmacie, l'avenir high-tech de nos plantes. Conférence, le Gujarat, plaque tournante du commerce. Et puis au PSG, eh bien, 2 mois ferme pour Aurier, sanctionné après des violences. Et les cantines scolaire en Une du journal de Lille. Les cantines et la chasse aux impayés. Chaque année, les parents doivent 3 millions d'euros aux communes, écrit le GIR. À Saint-Denis, elles volaient dans les supermarchés avec leurs sacs magiques. À Saint-Paul, les citoyens surveillent eux-mêmes leur quartier. Et puis Séville, Lyon, c'est du foot. Jérémy Morel dit « On est armés ». Et puis dans la presse nationale, au bout du fil, un robot. C'est en Une d'aujourd'hui en France. Oui, ouais. On le voit sur la photo de Une. De plus en plus de robots vocaux répondent aux consommateurs sur Internet ou par téléphone. Faut-il s'en inquiéter, demande le journal. Autre titre, sévère rechute sur le front du chômage. Et puis en Syrie, la très sale guerre de Poutine à Alep. Politique. En Une du journal Le Monde. Sarkozy rattrape Juppé à droite. Macron bouscule le paysage politique, titre Le Monde. Surfant notamment sur la thématique de l'identité, Nicolas Sarkozy progresse dans un sondage réalisé par Ipsos Sopra Steria pour le journal. Pour la présidentielle, Marine Le Pen progresse. La percée d'Emmanuel Macron perturbe le clivage droite-gauche. François Hollande décroche d'après ce même sondage. Autre titre, aux États-Unis, le triomphe de Corbyn. Jeremy Corbyn a été largement réélu chef du parti travailliste. Sa victoire confirme le virage à gauche du Labour. Les hôpitaux malades de la violence en Une du Figaro. Selon un rapport, le personnel hospitalier subit une agression verbale ou physique toutes les 30 minutes. Médecins et infirmiers qui sont également de plus en plus souvent confrontés à des tensions communautaires réclament des règles pour lutter contre ces dérives. Autre titre, le chômage a très fortement progressé au mois d'août. La situation à Alep, on en reparle en Une de Libération. Oui, Alep. Honte, impuissance, indécence, titre Libé. Sur la photo de Une, un champ de ruines, la ville assiégée et pilonnée depuis jeudi avec une violence inouïe par le régime syrien et les Russes. Et rien ne semble pouvoir les arrêter. Autre titre, chômage, la courbe repart vers le haut. Et du foot dans la Une de l'équipe ce matin. Oui, à la Une de l'équipe, les yeux dans les yeux. Voilà ce qu'inspire le choc Séville-FC Lyon ce soir en Ligue des Champions. Ce sera le test de l'arène pour Lyon, écrit l'équipe. Et puis en Une également, Aurier prend 2 mois ferme condamnation du joueur du PSG pour son altercation avec la police. Le joueur a fait appel. Et Aurier est dans le groupe hein, pour le match face à Ludogorets en Ligue des Champions. Donc ça ne change pas pour le moment puisque cette condamnation n'est pas exécutive tout de suite. Non, il le fait appel. Voilà. Ma chère Cécile, merci, à tout à l'heure. C'est pas un super exemple, mais bon. Ouais, mais non, c'est bizarre de le retrouver dans le groupe, c'est vrai, du Paris Saint-Germain. À tout à l'heure, 7h pour l'information. Grand matin, l'appel réveil. C'est l'heure, Mickaël. C'est l'heure de réveiller un Réunionnais ou une Réunionnaise. Bah oui, ça y est, c'est parti. Ah hein. Bah oui, là oui, là. Valérie, sa femme, et Thierry Gouraud ont ouvert 3 pizzerias en 6 ans, ainsi qu'une école de pizzaiolo. Et Thierry a décroché médaille d'or en pizza classique. Mmh. Il est médaille d'or toutes catégories confondues au Fine Good Australia. C'est le championnat du monde de pizza. Alors, oui, ça existe, mes amis. Le championnat du monde de pizza. Ça existe. Vous avez certainement dû en entendre parler de Thierry. Bah, en tout cas, il est avec nous ce matin. Salut Thierry. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, le réveil s'est bien passé, Thierry. Oui, ça va. C'est l'heure habituelle. Bon. Ah bah elle est bon alors. Bon, bah, tout va bien. Alors, et qu'on comprenne bien, un championnat du monde de pizza, ça se passe comment? Parce que c'est vrai qu'on voit du foot à la télé. Oui, ça on connaît. On voit de l'athlétisme, mais comment très ça se rarement passe des championnats du monde de pizza. Ouais. Alors, comment ça se passe? Bah, on arrive avec notre pâte et nos ingrédients et nos éléments qu'on a préparés, la recette qu'on a préparée pour la pizza. Mmh. Ouais. Et une fois qu'arrive notre tour, bah, devant le juge, en tenue complète de pizzaiolo, on doit réaliser notre pizza, étalage, cuisson, garniture, présentation, voilà, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, ben on est jugé sur la technique, sur l'aisance, sur le goût, sur la présentation, sur l'alliance des ingrédients, enfin, toutes les choses qui composent un plat comme pourrait se passer un concours de cuisine. Alors justement, qu'est-ce qui a fait la différence avec votre pizza? Pourquoi c'est elle qui a été sacrée? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la cuisson, des éléments, de la présentation? Comment ça s'est passé? Alors, ben, c'est un ensemble de toutes ces choses. Hein. C'est un ensemble de tout. Donc, une très bonne pâte à pizza qui a maturé pendant 96 heures. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a fait 96 heures avant de l'utiliser pour qu'elle soit moelleuse et croustillante. Donc, étalage à la main, bien sûr. Ouais. Une cuisson maîtrisée dans le four, parce que bon, bah, si tout est bon et que la pizza est brûlée, bah, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ouais, et une garniture, on va dire, à la limite du gastro, c'est ce qu'on pourrait appeler la pizza gourmet. D'accord. La pizza gourmet. Donc, on a travaillé avec un bœuf affiné maison pendant 3 jours dans du sel et du sucre qu'on a coupé à la trancheuse. Ah, d'accord. On a travaillé avec la mozzarella de bufflone fumée. Pas mal. Pas mal. Ouais. Des brettes de pak choy poêlées. D'accord. Oui. Poêlées dans le four à pizza directement devant les juges. Ouais. Des choux-fleurs qu'on a blanchi et salé. Des choux-fleurs de couleur mauve et jaune. Ah oui, donc ça va être joli, quoi. Qui sont venus emmener une texture intéressante sur la pizza et des couleurs. Une belle pizza, on l'a bien compris, Thierry. Mais alors, on a vu que vous étiez médaillé d'or en pizza classique. D'ailleurs, on dit vous, mais on peut se tutoyer un peu aussi dans le grand matin. Oui, on est une grande famille. Et tu es médaille d'or aussi, toutes catégories confondues. Cela veut dire qu'il y a eu plusieurs épreuves dans le championnat du monde. Tout à fait, il y a plusieurs épreuves. Il y a ce qu'on appelle les pizzas sans gluten, la pizza, les napolitaines STG, c'est-à-dire la vraie pizza napolitaine selon les critères des. La napolitaine, c'est une pizza dont la recette est déposée. Ok. Et qui se cuit dans un four particulier, une température particulière, avec une pâte particulière. Donc, il y avait la pizza dessert également. Ah oui, forcément, donc, pour la fin. Toutes catégories confondues, ma pizza est celle qui a remporté le maximum de poids. Donc il y avait plusieurs recettes de pizza qui ont été faites ce jour-là, et donc ces pizzas ont séduit le jury. Alors l'an dernier, tu étais bien classé déjà, Thierry, au championnat du monde. Oui, l'an dernier à Parme, premier français et 7e mondial. Et c'est ta femme Valérie qui t'a formé. En gros, aujourd'hui, c'est une aventure de couple tout ça, parce que tu étais novice au départ, Thierry. Tout à fait, on a toujours fait tout ensemble, tous les championnats, à chaque fois on était toujours tous les deux. Donc elle m'a formé au début, je suis vite devenu passionné, on travaille toujours tous les deux ensemble. Mmh. Et en général, les recettes, de toute façon, c'est une histoire qui se fait à deux. C'est une belle histoire. En plus, vous avez tous les deux une école de pizzaiolo, donc on va certainement avoir de meilleurs pizzaiolo encore sur l'île. Oui, y en a déjà pas mal. Il y en a déjà très bons. Tu m'étonnes. Bientôt le championnat de la Réunion que j'organise pourra faire voir le nouveau champion. D'accord. À quelle période ça? Ça sera au mois de novembre. Mois de novembre, mais ça se passera où, Thierry? Alors, le lieu est encore en cours de... Dans le sud en cours de détermination, ou dans l'ouest. Ou dans l'ouest. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. On y sera. Et puis alors, n'hésite pas, Thierry, on n'aura pas le temps là ce matin. Si tu peux nous poster une petite vidéo, pizza pour les nuls, sur la page Grand Matin, genre 2-3 conseils pour savoir faire une pizza chez soi. Nous, on prend. Voilà, on est là. Okay. On est là. D'accord. Salut Thierry, merci d'être merci beaucoup. De t'être réveillé avec nous. Salut. Bonne journée, au revoir. Tiercé quartier Quintet Plus du jour, c'est à Enghien. Exactement, le prix de Beaune, 5 800 000 euros dans la tirelire, 3 800 mètres à parcourir, 16 par temps. Les pronostics du fouineur du GIR, partenaire Réunion Première, il vous conseille le 10, le 6, l'As,

Aux États-Unis, le débat se termine. Première grande opposition à la télévision entre Donald Trump et Hillary Clinton à un mois et demi des élections présidentielles. Pendant une heure et demie, les deux candidats ont échangé de manière assez musclée parfois sur l'économie, l'emploi, les tensions entre les communautés, les armes à feu, la sécurité. Mais on n'en sait pas beaucoup plus sur les programmes puisque les polémiques entre les deux rivaux ont pris beaucoup de place. Retrouvez les moments importants, les décryptages sur internet franceinfo.fr. En Colombie, le chef de la guérilla des FARC demande pardon aux victimes du conflit et souhaite une nouvelle ère de réconciliation. Il a signé avec le gouvernement colombien l'accord de paix après plus de 50 ans de conflit. L'Union européenne va suspendre les sanctions contre les FARC. Le djihadiste accusé d'avoir détruit les mausolées de Tombouctou au Mali en 2012 doit être fixé sur son sort ce mardi. La Cour pénale internationale rend son jugement. C'est la première fois qu'un djihadiste présumé est jugé devant cette cour. Les 9000 salariés d'Alstom partout en France appelaient à la grève ce mardi. Une manifestation est prévue à 11h devant le siège à Paris. Symboliquement, un TGV est affrété pour acheminer les employés du site de Belfort. Le PDG les a rencontrés ce lundi, premier face-à-face depuis que le groupe a annoncé son intention d'arrêter la production de trains à Belfort d'ici 2 ans, faute de commandes. 400 emplois sont en jeu. François Hollande espérait une autre tendance, mais le chômage est clairement reparti à la hausse au mois d'août dernier, plus 1,4%. Le ministère du Travail attribue ces mauvais chiffres en partie aux attentats de juillet en France qui ont plombé certains secteurs économiques. Les images avaient fait le tour du monde, celle du DRH d'Air France, chemise déchirée et bousculée, c'était l'an dernier. Ce mardi, 15 personnes sont jugées à Bobigny, 5 pour violence en réunion, elles ont été toutes licenciées depuis, et 10 pour dégradation. L'intersyndicale d'Air France appelle à une grève et un rassemblement solidarité. Deux anciens grands flics en garde à vue depuis ce lundi. La police des polices enquête sur des soupçons de trafic d'influence. Elle cherche notamment à savoir si Bernard Squarcini, l'ancien chef du renseignement intérieur, n'a pas utilisé son réseau pour récupérer des informations confidentielles. Après avoir quitté la police, il avait créé une entreprise privée de conseil. Christian Flèche, l'ancien patron de la police judiciaire de Paris, passe également la nuit en garde à vue. La Ligue des Champions revient ce mardi, deuxième journée, avec côté français Monaco qui reçoit les Allemands du Bayer Leverkusen. Lyon, leader de son groupe, se déplace à Séville chez le triple vainqueur de l'Europa League. 7h12. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Faut dire la vérité, Mickaël. Fait pas si beau que ça dans l'Est. Hein. Oui, bah, contrairement à ce qui était prévu, le soleil a du mal à s'imposer. En fait, la frontière des nuages, elle se passe presque au-dessus de notre station, là, au niveau du pont de la rivière des pluies, la technopole de Sainte-Marie. On a plus de soleil en allant vers le Barachois et beaucoup moins en allant vers Sainte-Marie et encore moins en allant vers Sainte-Suzanne jusqu'à Saint-Philippe. Alors même si on a quelques trouées de ciel bleu par endroit, hein, on en a eu notamment du côté de Sainte-Rose, on vous le disait tout à l'heure. Qui nous le disait d'ailleurs par SMS à Sainte-Rose, c'est Christophe. Notamment Christophe qui est là-bas du côté de Sainte-Rose. Alors comment ça va se passer pour la suite? Le soleil devrait s'imposer quand même une bonne partie de la matinée, même dans l'Est. Les nuages, eux, vont venir s'amonceler sur la côte nord-ouest entre Saint-Denis et Saint-Paul et pourquoi pas déborder sur la Possession et la route en corniche avec une ou deux gouttes possibles, un peu comme hier. Et puis globalement ailleurs, hein, alternance de nuages et d'éclaircies avec des cirques qui resteront sous le soleil une bonne partie de la journée. Température jusqu'à 27 degrés sur le littoral. Attention aujourd'hui, retour du vent, 50-60 km/h sur le nord et le sud. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. On fait un point de trafic tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude à Terre Sainte. Oui, et ce sont de nombreuses gouttes qui commencent déjà sur Terre Sainte avec une circulation qui reste plutôt dense sur le front de mer en direction de Terre Sainte et direction de Saint-Pierre. Sur le boulevard Banks, la circulation là s'est densifiée dans les deux sens de circulation, que ce soit pour aller vers la Nationale ou pour repartir en direction du pont de la rivière d'abord ici à travers de la Catherine. Et vous êtes tout aussi nombreux en provenance de Petite-Île, la Croisée, circulation qui reste très dense sur cette Nationale en direction de Saint-Pierre. ça reste encore roulant au niveau du giratoire des Azalées, giratoire Chandelle. Sur les bretelles de sortie en direction du nord, les zones industrielles numéro 1 et 2 sont assez remplies, donc la plus grande prudence à la hauteur de ces bretelles de sortie. Et sous la route du littoral, eh bien, nous sommes bien avant les potences, avec une zone de ralentissement au niveau du radar. Beaucoup de monde aussi sur Saint-Denis, en traversée de Saint-Denis en provenance de l'Est, avec des ralentissements au niveau de la ravine des Chèvres. Et pour finir, une info pratique pour ce week-end, le samedi 1er et le dimanche 2, sachez qu'il y aura du travaux au niveau de la route des laves. Elle sera fermée. Elle sera fermée dans le cadre de l'opération Allons Bas de Carré, le magma magnifique. Cette route sera fermée de le dimanche 1er et dimanche 2 octobre, de 8h à 18h. Alors il est conseillé d'emprunter la route nationale 3, la route des plaines, pendant la durée de cette manifestation. Prudence et bonne route à vous. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Allez, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Première. C'est un plaisir d'être avec vous chaque matin à suivre l'invité de Grand Matin, Richel Sacri, délégué régional du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'outre-mer. Première. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors imaginez, comme tous les week-ends, vous jouez de la musique. Sur un piano à queue blanc. Sur un piano à queue blanc. Accompagné de l'orchestre symphonique que j'ai fait venir chez moi. Puis vous composez. Un opéra intitulé Je kiffe grave. Ah oui. Je kiffe grave. Euromillion My Million, imaginez 130 millions d'euros minimum à Euromillion. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Il est 7h16 dans toute la Réunion. Vous nous suivez sur internet Réunion pour la première.fr et bien sûr en radio. Et c'est l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin, vous accueillez Richel Sacri, délégué régional du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'outre-mer. Richel Sacri, bonjour. Bonjour. Marie-Hélène Oirot a été sanctionnée par le président de la région. Voilà ce qu'a clairement dit Daniel Gontier hier soir sur Réunion Première. Didier Robert, accusé par le président du parc national, pourtant un de ses alliés, ça vous surprend ? Ça me surprend parce qu'on ne veut pas rentrer, nous, dans ces histoires de responsabilité de l'éviction. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie question, c'est pourquoi ? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. Bah, demander pourquoi, c'est quand même chercher les responsabilités. Je veux dire, c'est les hommes politiques actuellement qui demandent pourquoi. Nous, on constate les faits. Les faits, c'est qu'elle a été remerciée dans des conditions qu'on ne connaît pas. Et pour quelles raisons ? On ne sait pas non plus. On suppose que c'est à la suite d'une procédure disciplinaire, mais pas plus. Et le ministère a pris cette décision. Et je crois qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est que lorsqu'on est réunionné à la tête d'un établissement public de cette importance, est-ce que c'est une méthode ? Est-ce que c'est une façon de remercier quelqu'un ? Et donc, après tout le travail qu'elle a fait, qu'elle a mené cette dame au niveau du parc national, dont elle a travaillé sur la conception même de la réalisation du parc, la nomination même avait eu à des discours importants dans la population, au niveau des élus qui ont fait pression pour qu'elle soit nommée, etc. à l'époque. Et aujourd'hui, on voit que d'un revers de main, on balaye sa fonction comme ça. Je trouve que au niveau de l'image que cela renvoie, c'est assez malvenu, quoi. En tout cas, le plus important maintenant aujourd'hui, c'est de réparer aussi. De réparer ce qu'on a fait. Et on a vu avec les autorités pour qu'on travaille sur une réparation de telle sorte à ce qu'elle retrouve un emploi correspondant à ses compétences. Ce qui est sûr, c'est que Daniel Gontier est très déçu par ce qui se passe. Il essaie aussi d'en tirer les leçons. J'ai honte. Oui, on revient au temps du colonialisme. Aujourd'hui, un fonctionnaire d'État est un fonctionnaire qu'on doit choisir sur ses compétences. Maintenant, à compétences égales et dans ces types de postes, parce que parfois, on ne trouve pas de Réunionnais, je vous le dis aussi. Souvent, on dit Réunionnais. Mais moi, je souhaite que les Réunionnais s'investissent un peu plus, sincèrement. Je suis moi-même dans les fondamentaux de ce qui est mon lambris de les couper là. Voilà ce qui est important. Daniel Gontier, invité de Gaël Le Dantec, hier soir dans Devant la Réunion. Vous êtes d'accord, Richel Sacri, on est revenu au temps des colonies ? Non, on n'est pas revenu au temps des colonies. On est dans l'application des lois républicaines, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des hauts fonctionnaires qui dépendent donc des ministères. Ça, ce n'est pas remis en cause. Et il y a un droit d'opportunité de la part du choix des fonctionnaires. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on tienne compte davantage de la connaissance du contexte local et des compétences. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Réunionnais qui sont compétents. Et donc, pas sur tous les postes, comme a dit Daniel Gontier, c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'intervient pas sur tous les postes, mais sur les postes symboliques comme ça, c'est surtout la méthode et l'émotion que ça a provoqué dans la population qui est en cause. Et en même temps, on profite aussi pour dire si le poste, on prend acte, je ne pense pas que le ministère va revenir en arrière sur cette décision. Mais elles ne sont pas là, les limites de la régionalisation de l'emploi. Localement, chacun fait jouer ses réseaux, évidemment, non seulement pour obtenir la promotion d'un candidat, ce qu'on peut comprendre, mais aussi pour dégager celui ou celle qui est en poste et qui ne respecterait pas la ligne. Non, ce qui est dégagé, c'est au niveau national. Je veux dire, c'est pas le président de région qui a décidé de virer Madame. Donc vous contestez ce que dit Daniel Gontier. Je conteste pas. Je dis que la décision étant au niveau ministériel, c'est à ce niveau qu'il a eu certainement des interactions. Après, c'est la méthode surtout qui est à retenir. C'est-à-dire que son mandat se termine en février 2017. Est-ce qu'on pouvait pas attendre la fin de son mandat? C'est-à-dire que là, est-ce qu'on a quelqu'un tout de suite pour remplacer? Est-ce qu'il y a eu un appel à candidature? Bon, voilà, tout ça est en discussion. Je crois que la préfecture a pris le relais puisque ce sont des services de l'État. Et il faut d'une part trouver un poste correspondant à ses compétences au niveau local, déjà, pour qu'au moins on puisse réparer cette injustice. Et puis, voir déjà l'avenir, qui va être désigné et qui va être retenu sur ce poste. Donc, ouais, parce que Patrick Karam, effectivement, a déjà écrit à Ségolène Royal au sujet de ce changement, envisagé. Absolument. En tout cas à la direction du parc. Une parenthèse au passage, il l'a fait en tant que président national du CREFOM, alors que Patrick Karam venait d'annoncer sa démission pour rallier Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas confusion des gens, là? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il était toujours président en exercice, puisqu'il a démissionné, il a présenté sa démission au Bureau national hier soir. Alors donc, qu'il l'avait annoncé une semaine plus tôt. Il a annoncé qu'il allait déposer sa démission. Donc, c'était un peu un effet d'annonce avant. Mais après, le CREFOM n'est pas un parti politique. Donc, c'est tout à fait normal que Patrick Karam pose sa démission ou se met en congé de l'association le temps d'un investissement dans une campagne électorale de cette importance en plus. Je veux dire, d'autres vont le faire aussi. Victorin Lurel, qui est aussi président d'honneur du CREFOM, va se mettre en retrait si jamais il s'engage dans une campagne électorale. Et cette proximité vis-à-vis de Nicolas Sarkozy ou d'un autre candidat à l'élection présidentielle, elle n'est pas gênante, vous qui souhaitez rester apolitique, on est apolitique, c'est inscrit dans nos statuts. Mais voir votre président partir vers un candidat. Le caractère apolitique du CREFOM se définit justement par le fait qu'on accueille tous les acteurs politiques. C'est-à-dire, il y a des hommes politiques de droite, de gauche, tout le monde. Mais au moment d'une élection capitale, Patrick Karam a préféré démissionner. Mais hier soir, le Bureau national n'a pas trop voulu accepter sa démission, mais il a insisté pour que, justement, que la clarté soit de mise et que le CREFOM puisse continuer à travailler sans pression, puisqu'il va y en avoir certainement. Alors ce courrier de Patrick Karam à la ministre de l'Environnement, on a le sentiment qu'il est moins fait pour soutenir Marianne Waro que pour préparer le coup d'après. Le CREFOM a déjà un nom en tête? Non, le soutien, bien entendu, on soutient, mais on soutient vers quoi? C'est-à-dire que ça paraît difficile de la réintégrer. Elle-même, est-ce qu'elle le souhaite? Je ne pense pas. Donc après une situation comme ça, elle ne cherche certainement pas à réintégrer son poste de directrice. Donc il faut déjà penser à l'avenir et informer la ministre que si, comme cela s'est passé dans le cadre de la jeunesse et sport, finalement, la directrice de la Jeunesse et Sport a été écartée de son poste aussi, il y a quelques temps. Et c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu. Donc c'est pour éviter que ça se renouvelle qu'on a anticipé sur ce courrier en informant la ministre que dans d'autres administrations, ça s'est passé aussi comme ça et qu'on ne souhaite pas, si des compétences, en tout cas, existent au niveau local, d'aller chercher ailleurs. Et l'avenir, c'est qui? C'est Alain Brondeau, cité par la presse écrite, ce cadre au siège de l'ONF national, un ancien de l'Office national des forêts ici? Ça peut être lui, ça peut être d'autres candidats. C'est un appel à candidature qui va être lancé certainement. Et voilà, s'il répond et s'il réunit les compétences et les qualités requises, il n'y a pas aucun problème. Ouais. Vous avez entendu Daniel Gontier qui disait « Parfois, on ne trouve pas de réunionnais, il faut qu'il s'implique davantage. » C'est une réalité, ça ? Ça, c'est une réalité aussi, oui. On a des fois des difficultés à convaincre nos compatriotes qui peuvent prendre des responsabilités de ce niveau dans le territoire. C'est dû à notre passé, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours du mal à franchir le Rubicon, comme on dit. Et nous, on est là justement pour les convaincre qu'à compétence égale, ils peuvent opter sur ces responsabilités-là, qui sortent du fait noir, comme on dit, et qui prennent leurs responsabilités pour faire avancer ce territoire. Cette turbulence au sein du parc national ont effacé quelque peu un autre dossier, le remplacement de Sud-Alfuma oui. à l'Université de La Réunion par une candidate métropolitaine, Virginie Chaillou-Attreau. D'où on en est par rapport à ce dossier ? Alors, par rapport à ce dossier, je tiens tout d'abord à souligner que malgré ce qu'on nous a reproché, il ne s'agissait pas de bloquer la candidature d'une métropolitaine. Ce n'était pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'était de dénoncer les dérives et les magouilles entre guillemets pour la composition de la commission de sélection. Donc, on reste dans le respect de la loi. C'est ce qu'on avait dit au recteur, c'est ce qu'on avait dit au président de l'université et au ministère, qu'on demande à ce qu'on revoie le recrutement, puisque pour nous, la procédure a été viciée. Et pour le moment, il n'y a toujours personne sur le poste. Ça n'a pas été reconnu, donc quelque part, on nous a obligés à aller au tribunal administratif qui a constaté effectivement qu'il y a peut-être des vices de procédure et qui a suspendu la décision du conseil d'administration de l'université qui autorisait ce recrutement. Donc pour l'instant, la situation est en instance de la décision définitive du tribunal administratif. Un mot sur le projet de loi sur l'égalité réelle entre l'Outre-mer et l'Hexagone qui sera débattu à partir de mardi prochain. Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que c'est surtout la question des fameux CIMM, les centres d'intérêt matériel et moraux qui définissent les critères pour les mutations des fonctionnaires ? Oui, bien entendu, dans le projet de loi qui a été déposé et qui rappelle dans le préambule que c'est qui reconnaît que ce rapport fait suite aux préconisations du CREFORM, en particulier de son président Patrick Karam, donc c'est dans les attendus. Et c'est vrai que les CIMM, au niveau de l'égalité réelle, moi je me pose la question, puisqu'ils ont déjà fait l'objet d'une validation dans une loi, la loi qui a été votée le 20 avril 2016. Donc pour moi, il y a deux articles qui concernent les CIMM qui sont votés. Donc au niveau législatif, le travail est terminé. Il en faut pour que ce soit appliqué à toute la fonction publique d'État ? Non, la loi n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille sur un décret d'application. Donc c'est là où on nous attend, et c'est pour ça qu'on a fait des propositions au niveau du ministère sur les critères que doivent contenir ces CIMM, parce que quand on dit CIMM, ça peut être très large, ça peut être restreint. Donc du coup, c'est un appel que je lance aussi aux parlementaires pour s'investir dans ce décret, parce qu'on nous a promis un décret pour l'automne, donc ça va être pour bientôt, dirigé par Mme Girardin. On a contacté Erika Barège de la ministre de la fonction publique. Voilà, ministre de la fonction publique. Et Erika Barège, notre ministre de l'Outre-mer, donc qu'on a averti aussi de ce passage quoi, qui risque d'arriver. Et comme vous le savez, sur les CIMM, le plus gros souci, c'est les résistances des administrations centrales. C'est à ce niveau-là qu'on n'arrive pas à coordonner, puisque l'idée du ministère de la fonction publique, c'est de faire un texte harmonieux pour l'ensemble de la fonction publique. Or, chaque ministère veut garder un petit peu ses prérogatives, et donc on a du mal à avancer. Et là, on a besoin vraiment des parlementaires pour qu'ils aillent taper à la porte du gouvernement pour dire où en est ce décret et qu'est-ce qu'on fait, quels sont les critères qui sont retenus. Message passé. Richel Sacri, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup. L'invité de Grand Matin était Richel Sacri, délégué régional du CREFOM, le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Et vous retrouverez cette interview à 13h30 sur Réunion Première. Allez, on continue cette matinale, Lisa. Oui, avec Frérot de l'Avogat. Et ensuite, ce sera l'information routière avec Jean-Claude Machir. Et puis l'actu, Cécile Thomas, autour de moi. Bon réveil. Oh, oh, je cherchais contre vents et marées une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Oh, sous la lune, au ciel étoilé, non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour, la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Ouais. Est-ce que t'entends? Ouais. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Oui, la, la, la, la. Est-ce que t'entends? Oui, la, la, la, la. Sous la pluie au fil du temps, mon cœur s'aiguise, est-ce que tu sens? Ton comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard. N'as-tu vraiment qu'un souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards. Un jour la vie te fera sourire juste là. S'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu me vois pas. Je crie, tu m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu me vois pas. Je crie, tu m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Juste là. Sous la pluie. C'est le tout dernier frérot de la Vega et Isa. Alors elle est à fond, elle est in love, Isa. Ouais, attends des le frérot. Concert l'année prochaine. Ils arrivent. Ils arrivent. C'est autour de moi. On va sur la route. Jean-Claude Machir, vous êtes à Terre Rouge. Oui, après être allé à Grand-Bois en passant par le bassin 18, cette nationale, là on sait qu'on a bien des ralentissements pour vous emmener vers l'hôpital de Terre-Sainte. Vous évitez ce giratoire de la Catherine qui est bien encombré pour aller en direction de Saint-Pierre. Mais là, si ça coince à boulevard Banque, il faut aller en direction du centre-ville de Saint-Pierre. Et sur la rue Luc-Lorion, là aussi, on a quelques petits ralentissements dans le sens descendant pour aller vers le front de mer de Saint-Pierre. Sur ce front de mer de Saint-Pierre, en direction de Terre Sainte, la circulation reste elle aussi assez dense. Il y a aussi des travaux, donc la plus grande prudence qui continue sur ce front de mer. Là aussi, on vous recommande la plus grande prudence et respecter les aires de stationnement. Vous le savez, le stationnement est maintenant payant et il peut vous en coûter très cher. Du côté de Saint-Denis, on a un gros ralentissement sur la route du littoral car nous sommes à la hauteur de la Grande Chaloupe et en provenance de l'Est, mais c'est toujours à la hauteur de Petit Bazar que commencent les premiers ralentissements avec des petites zones roulantes, mais ça coince au niveau de la Ravine des Chèvres pour la direction de Sainte-Marie. Et pour finir, sur la nationale 1A, en direction de Saint-Denis, à partir de Grandfond, là aussi on connaît quelques petits ralentissements et la plus grande prudence est recommandée à tous. Merci Jean-Claude, 7h31 minutes sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Aider les malades à retrouver toutes leurs facultés après un AVC, c'est l'objet d'une convention signée hier entre le CHU et la clinique des Tamarins. Objectif, ne plus perdre de temps pour commencer la rééducation. Quel avenir pour le parc de la Réunion? Un avenir national ou régional? Les élus de la région devront se prononcer aujourd'hui sur le lancement d'une étude. Daniel Gontier, l'actuel président du parc, n'est pas associé à la démarche. Nous l'entendrons. À Mayotte, un rat dans le goûter des enfants à Combani. Les parents demande plus d'hygiène. Reportage dans ce journal. Et puis un titre de champion du monde en surf pour la France, c'est fait pour les juniors des Bleus, c'était dimanche au Portugal. Mais avant de développer ces titres, ce constat, et c'est peut-être votre cas ce matin dans un bouchon quelque part à La Réunion, vous entendez les sirènes d'une ambulance derrière vous dans la file, mais vous ne vous décalez pas de peur d'être pris en flagrant délit de passage d'un stop ou d'un feu rouge. Pourtant, il faut bien que le véhicule d'urgence se faufile et surtout qu'il ne reste pas coincé. Les secouristes gardent leur sang-froid, mais ils ont du mal à comprendre qu'on leur bouche le chemin. Reportage de Bruce Régent. Dilemme pour Nathalie. Que faire quand elle est la première de la file et que les sirènes hurlent derrière elle? L'ambulance jaune est bloquée. Franchir le feu rouge, non. Je veux pas me faire verbaliser aussi. Mais faut-il se crisper sur son volant et faire comme si on n'entendait rien? Le SMUR y est confronté quotidiennement et le docteur Bertrand Guillard appelle au civisme avec discernement. On va pas parler d'agacement. L'équipe qui part en intervention est très concentrée, très apprêtée. Ça sonne, pensez, hein. Oui, c'est le bip. Le préfère effectivement avoir à penser à l'intervention plutôt qu'à gérer des difficultés de déplacement. Parfois, se dégager, pas griller un feu rouge, mais se dégager de quelques mètres va tranquilliser tout le monde, c'est Et c'est ce que Claude Moinard, responsable d'auto-école à Sainte-Marie, essaye d'inculquer à ses élèves en rappelant qu'en cas d'accident, ils seront responsables. Mais que faire obstacle est moralement peu défendable. Quand ils sont bloqués dans un feu, ils peuvent très bien s'avancer, je respecte toujours, en évitant de franchir carrefour à fond, c'est pas ça. Ils peuvent s'avancer un petit peu, on sait très bien que quand il y a un feu, ils restent

plus que douteuse, Antouria, responsable des parents d'élèves à l'école d'application de Combani. Les gouttes sont distribuées en plein air. La dame arrive avec son salova, il s'assoit par terre avec un rouleau de sachet. Il peut même éternuer ou bien se moucher avec ses mains et puis essuyer ses mains sur son salova et puis encore toucher les gouttes et le mettre dans des sachets. Ah, quand même. Les parents d'élèves se sont donc mobilisés devant les grilles de l'école. Après inspection des conditions de transport, ils refusent catégoriquement les collations telles qu'elles sont proposées à ce jour à leurs enfants. Antouria, responsable des parents d'élèves à l'école d'application de Combani. On s'attendait à ce qu'au lendemain, ça arrivait aux conditions normales, mais au lendemain, c'est arrivé pareil. Il faut que ça soit mis dans les bacs appropriés ou bien dans les glacières. Au cas contraire, si c'est toujours comme ça, nos enfants, on ne va jamais accepter à ce que les goûters viennent. Tous les matins, on est là. Bien déterminés, les parents demandent donc un local approprié pour garder les collations dans de meilleures conditions d'hygiène. Une pétition qui a déjà recueilli une centaine de signatures circule au sein de l'établissement afin de mettre fin à la collation collective telle qu'elle existe aujourd'hui. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Du sport avec du surf et un titre pour les Français, ça s'est passé dimanche dernier. Au Portugal, l'équipe de France a remporté le titre mondial junior derrière lequel elle courait depuis longtemps. La compétition a duré 9 jours. Le Guadeloupéen Thomas Debierre a remporté la médaille d'or en cadet et le Réunionnais Colin Doyer est en bronze en junior. Les Français ont finalement fait mieux que les 39 autres équipes engagées. Ces mondiaux ont été les plus relevés et les plus disputés de ces dernières années. Patrick Flores est l'entraîneur de l'équipe de France jeune, il est bien sûr très heureux. Depuis la création de la Fédération Française de Surf, en fait, on attendait un titre par équipe en surf, en shortboard. On l'a eu dans d'autres disciplines déjà, mais celui-là était important et personnellement, depuis c'est mon 8e championnat du monde avec les juniors, on s'est battu pour l'avoir. On a fait 2 fois vice-champion du monde. Ça devenait un peu lourd quoi, de ne pas pouvoir atteindre ce graal qu'on s'était tous fixé, ce but ultime, c'est fort. C'est vraiment un but que je m'étais donné. J'ai toujours voulu ce titre par équipe pour les juniors. Ce tir groupé qu'on a fait, on a amené tous nos jeunes quasiment en quart finale dans le top 10. Ça pouvait pas nous échapper. Ça pouvait pas nous être devant l'Australie et Hawaï pour la petite nation française qu'on est. C'est fort, c'est très fort. Patrick Flores, satisfait à 9 mois des championnats du monde des nations à Biarritz et à 4 ans des Jeux Olympiques de Tokyo où le surf fera son entrée, eh bien c'est de bon augure pour le surf tricolore. On sent la relève est là. Toute l'émotion, toute la fierté hein, dans la voix de Patrick Flores. Merci Cécile. Bonne journée. Merci. À demain. Préparez-vous. Hein, dimanche, on court. Oui. Je suis prête. Enfin, il y a jusqu'à dimanche. Faut le dire vite, hein. C'est comme les roulades. Allez, roulez un petit coup là. Roulez. C'est bien ça. Elle n'a pas compris là, ce qu'il fallait faire en fait. Il roulait ses gars, il crase ses gâtés. Aïe. C'était à 41, tiens la première. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude Machir pour les routes, l'info trafic à oui. 7h41. Jean-Claude. Oui, il est là. Eh ben c'est bien. Avec un peu de galère aussi à la rue des Bons Enfants à Saint-Pierre, ça coince, je vous le disais tout à l'heure, depuis bassin 18, l'hôpital de Terre-Sainte, la croix de Jubilé pour aller en direction de ce front de mer de Saint-Pierre pour repartir vers le national. Donc vous voyez une circulation qui reste assez dense dans ce secteur sud. Il en est de même sur la route du littoral, beaucoup de monde aussi, depuis la Grande Chaloupe, en direction de Saint-Denis, il en est sur le boulevard sud, là aussi, ça se remplit et dans les deux sens, que ce soit pour aller vers l'est ou pour aller en direction de Saint-Fleury, beaucoup de monde en provenance de Saint-André, circulation très dense entre les giratoires de la Plaine et de Bracanote. Et Saint-André, c'est petit bazar, alors c'est aussi combustant par la Nationale 2002. Il y a beaucoup de circulation très dense aussi en centre-ville de Sainte-Suzanne, toujours en direction de Saint-Denis. Et pour ce qui est de la route des Plaines, la chaussée Mouillon, vous recommande vraiment la plus grande prudence dans le secteur. Ici, il y a un léger crachin, mais rien de bien méchant pour l'instant, mais chaussée mouillée et glissante dans l'est et dans le sud sauvage. Bonne route à vous. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. On fait un point météo, Mickaël. Et le soleil, eh ben, il a un petit peu plus de mal à s'imposer ce matin. Ouais, surtout dans l'Est et le Sud sauvage, comme l'a dit Jean-Claude, qui nous rapporte une route plutôt glissante, une chaussée, puisqu'il a plu par endroits. Enfin, ça n'a pas été des grosses pluies, mais quand même. Puis en allant vers l'Ouest et le Sud-Ouest, là, ça va mieux. On a du soleil ce matin. Et globalement, le ciel va se dégager un peu partout sur l'île. Normalement, c'est ce que nous dit Météo France, avant que les hauteurs de Saint-Paul, notamment sans nuages, de Saint-Denis à Saint-Paul, hein, globalement, avec pourquoi pas une ou deux gouttes aussi bien sur les hauts que sur le littoral. La route en corniche, par exemple, pourrait être impactée par quelques petites averses, mais qui resteront plutôt faibles. Les températures, elles vont grimper jusqu'à 27 degrés cet après-midi, le tout dans une atmosphère un peu plus venteuse, 50-60 km/h sur le sud-ouest et le nord-est, ainsi qu'un petit vent de sud qui va rentrer sur les plages. On est repassé dans un flux de sud-est, donc ça va être un petit peu plus frais qu'hier, globalement sur la région. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Bon, dernier virage là. Hein. Bon, en même temps, c'est mardi. Mm. Et si on allait voir un peu ce qui pouvait se passer ce week-end? Ah, mais un truc bien. Un truc bien? Un truc qui détend. Un truc bien. Quoi. Le siècle de Sillaos. Oh, c'est bien? Ça me va c'est bien. C'est pas mal. Ça commence bien. Vas-y, okay. Vas-y, décris le tableau. Entre montagne et la mer. D'accord. Pas mal. Moi, je commence à m'y voir un peu. Même ouais. Si à Sillaos, on voit pas trop la mer. C'est vrai. Oui, mais c'est pas grave. À la piscine, il y a le lac. À Rajonc, là. Il y a le lac de Sillaos aussi. Oui. On va pas la mare, le lac. C'est mieux. Le lac de Sillaos, le Piton des Neiges, ce cadre, et puis l'hôtel. Votre chambre. Sûr, tout ça, oui. L'hôtel Sillaos, votre chambre pour deux personnes, dans un 4 étoiles, avec petit déjeuner. Ça, c'est peut-être pour vous. Avec la personne de son ce choix. Matin, ouais. À condition d'envoyer un petit message, 70 000, c'est pas une grande condition. Hein. Oui, sauf qu'il faut y aller vite, hein, parce qu'on va pas tarder à faire le tirage au sort, donc on se dépêche pour le message par SMS. Également, on se dépêche aussi sur le j'aime, le clic sur la page Grand Matin. Voilà, on sélectionnera Facebook. Un auditeur, une auditrice sur Facebook, page, aussi, sur Facebook ou sur le canal SMS. On salue Ingrid, coucou Isa et Mika, merci de nous réveiller dans les bouchons le matin. Merci à Johnny aussi qui nous a envoyé un message, merci pour le réchauffé de bonne humeur. Salut à Maggie, je vous fais un petit coucou. Salut aussi à Expedita, à Lisa, ça c'est par Facebook et puis par SMS aussi, vous êtes nombreux. Effectivement, c'est Edith, voilà. Nana fait la route depuis Tampon Saint-Paul tous les jours avec nous. C'est bien, c'est gentil, tout le petit salut, monde la compagnie. Là. Vous inquiétez pas, tout le monde est dans le panier pour le tirage au sort de vendredi. À suivre le zapping de Réunion Première. Oui. Ouh là là. J'y suis. Oulala. Ce matin. Oulala. Et puis oulala. Connect Première aussi pour nous parler de nouvelles technologies, notamment de Halo. Vous découvrirez ce que c'est Halo. Ah, c'est pas un jeu? Non. Il faut du bon courage, ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut du bon courage, ton bateau là pour couler. Bateau il a fait nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Dans la vie n'a des hauts, n'a des bas, n'a toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas qu'on perde la raison. Même si demain matin on croit que c'est la fin, il faut pas perdre moyen, il faut qu'il lève le poing. Dans la vie n'a des hauts, n'a des bas, n'a toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas qu'on perde la raison. Même si demain matin on croit que c'est la fin, il faut pas perdre moyen, il faut qu'il lève le poing. Il faut du bon courage, ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut que tu prends courage, ton bateau là pour couler. Bateau il a fait nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut que tu prends courage, ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut que tu prends courage, ton bateau là pour couler. Bateau il a fait nos phrases. Le bord où ça il est. Quand tu prends la vie en main, faut pas te décourager. Le bonheur, les fous de main, mettre le mauvais de côté. Faut tu prises la force en toi, reste pas des six côtés. Allez, relève à toi, demain tu vas gagner. Sans tatouer d'un fait noir, ouvre la fenêtre, regarde un peu. Après tu vas voir que la lumière y brille aussi pour toi. Même sous la vie en vie, rien n'est fini. On va voir comment la vie, devant les plis solidités. parti pour courage. Ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases. Tu trouves pile au bord où ça il est. Il faut que tu prends courage. Ton bateau là pour couler. Bateau lui la fait nos phrases. Tu trouves pile au bord où ça il est. Il faut que tu prends courage. Ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases. Tu trouves pile au bord où ça il est. Il faut que tu prends courage. Ton bateau là pour couler. Excellente journée avec nous. Vous la démarrez comme tous les matins dès 5h dans le grand matin avec Johan. Faut qu'il prend courage. Ton bateau, il s'est coulé. Salut Edith Saint-Pierre. Le grand matin, m'y aime oui. pas, m'y kiffe Ali. Eh ah ben. Bon? Ah, t'as eu peur là, Isa. Ah oui. T'as en plus, c'est que ton vilain magnète, tu lis tout. Ah, ouais, moi je lis tout, moi je suis transparent. Je suis transparent. Même ceux qui nous aiment pas, ils peuvent nous envoyer des messages, y'a pas de problème. Oui, oui, ça là-dessus, c'est vrai. 06 92 70 2000. Et puis Facebook, vous n'oubliez pas non plus, hein, votre petit message sur Facebook. Vous likez la page, fanpage, et puis vous repartez peut-être. Je vais y arriver. Pardon. Ah, je vais y arriver. Avec votre nuit d'hôtel, ça sera vendredi. Tout à bégayer. Pour partir à Sillaos. Oui, ça arrive. Allez, connecte première, c'est dans un instant par le Halo. C'est la nouvelle messagerie de Google. Ah, c'est pas la chanson de Beyoncé. Hello. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez. FDJ, à partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Première. Alors allô, je disais, c'est la nouvelle messagerie de Google qui fête ses 18 ans aujourd'hui à Google. Donc bon anniversaire à Google. Voilà, ça fait 18 ans qu'on utilise Google. Et qui ne l'utilise pas? C'est ça la question. Ça, c'est vrai. Hein. Pour Florent multiples recherches. Florent, merci. Google, bah oui, forcément. Bah oui. On est obligé de passer par ce moteur de recherche sur Internet. On écoute ce que c'est, allô, avec Pascal Rizzo. Allez, connecte première. Connecte première. Bonjour, on en parlait il y a quelques mois lors de sa présentation. Eh bien, c'est le 4 octobre que sera lancée l'appli de messagerie instantanée Allo du groupe Google, une appli élevée au grain de l'intelligence artificielle qui va analyser les textes envoyés par vos correspondants avant vous pour vous proposer un choix de réponse toute faite, genre « on se fait une pizza ce soir ?» Réponse 1 « super idée ». Réponse 2 « je peux pas ce soir, est-ce qu'on peut remettre ?» Réponse 3 « pourquoi pas plutôt des sushis ?» Oui, parce que en plus d'analyser ce qu'écrivent vos correspondants, Allo va apprendre à vous connaître avec le temps et en l'occurrence, savoir que vous n'affectionnez pas trop les pizzas mais que vous êtes un maître sushi. Alors, quelle confidentialité? Quid du mode de cryptage de bout en bout annoncé par Google lors de la présentation du produit en mai dernier? Eh bien, plus grand chose. En effet, le cryptage des messages, donc le fait que vous seul et votre correspondant puissiez lire la conversation, ne sera pas activé par défaut. Toutes vos conversations seront stockées ad vitam aeternam sur les serveurs de Google, à moins que vous ne les effaciez un par un. Et on sait que Google pourra y accéder et les transmettre en cas de demande aux autorités dans environ 60% des cas pour la France. De ça aussi, nous en avons déjà parlé. Alors, pas d'activation par défaut signifie que l'activation du mode incognito peut quand même se faire manuellement, oui, mais dans ce cas, on perd la fonction intelligence artificielle, vous savez, ce qui permet de vous fournir des réponses toutes faites et qui apprend de vous. Google a bien fait les choses, permettant d'accéder facilement à des services tout en restant dans la même application Allo. Dans notre exemple des sushis, il suffit de demander à son smartphone quel est le resto japonais le plus près de chez soi, afin d'avoir l'adresse, les horaires d'ouverture, un lien pour réserver, ou même de demander la recette pour en faire et voir ainsi apparaître une vidéo sur la fabrication de ces mets japonais. Bref, entre confort, modernité et confidentialité, vie privée, il va falloir choisir. Êtes-vous prêt à donner plein d'infos perso à un géant de l'informatique alors que vous ne donneriez pas un dixième de ces infos à un inconnu qui vous les demanderait ? On est à un tournant de style de vie, voire de style de société. Belle journée. Ah, vous êtes vraiment nombreux à nous écouter le matin. On ne savait pas. On pensait être seul, nous, à des 5 heures comme ça. Quand on arrive à la radio, on se sent un peu seul. Faut le dire, il n'y a pas grand monde dans les rues. Vous êtes là. Bah oui. On salue Valérie, on salue Thérèse. Bravo pour l'émission Grand Matin. Moi, je vous écoute tous les jours. Coucou à Bébel de Sainte-Marie. Et Annès de Saint-Benoît. Soleil commence à arriver. On vous l'avait dit qu'il arriverait dans l'Est. Comme ça, ça donne courage. Bisous pour Thérèse. Repasser. Bisous à Thérèse. Salut à Freddy. Salut à Ernest. Oui, tu l'as dit. Salut à Mika de Saint-Jean. Bisous Ernest. Aussi. Oui, on a compris. Bon. Si tu veux, je te donne son numéro, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà. Bon, allez. Ah, tu l'as déjà en plus. Bah oui, c'est vrai. Bah en plus. Oui. Parce que je dois tout noter, on doit tout noter pour le tirage au sort de vendredi. On salue tous ceux qui ont été sur la fanpage de Facebook. Alors, vous avez dit, on ferait un choix ce matin entre SMS et Facebook. Mm-hmm. Continuez d'aimer la page Facebook d'ailleurs, parce que notre objectif avant la fin de semaine, c'est d'atteindre les 1000 j'aime. Donc, à vous d'aimer cette page. Voilà, on n'est pas loin. 1 million d'ici décembre. Oui, bien sûr. On y croit. Plus que la population de la Réunion, on y croit. Mais pourquoi quand je dis ça, ça fait rire tout le monde. Bon. 971 mentions j'aime. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin. On est à 29 j'aime du millier. Hein, du millier, du million, on est encore un peu loin. Mais c'est pas grave. Écoute. L'espoir fait vivre. Mais oui. On salue Elisa. Coucou Elisa. Bonjour. Salut Elisa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Elisa ? Vous faites quoi de votre vie ? Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, vous faites quoi ? On commence par une randonnée. Ça va. Ah ouais? Oui, on est à Cilaos, donc. D'accord. Tu vois, je t'avais dit, Isa, qu'il y avait des gens qui faisaient des randos. Oui. Voilà, Elisa. Vers 8h. Voilà. Oui, Oui. 5h15. Oui, mais elle est préparée depuis, elle est prête depuis quand? Elisa, depuis quand vous êtes partie chez vous? Non, mais moi, je suis partie, là. Je suis déjà dans le. Attention. Ouais. Mais à fond, Elisa. Je fais une petite pause avec vous. Ouais. Et là, parfois, on est avec qui, Elisa, là, dans la rando? Avec maman. Maman Rando. Elle s'appelle Maman Rando. Bonjour à Maman Rando. Bien, ça. Bon, eh bien, Elisa, vous irez au cinéma avec Maman Rando si vous le souhaitez. On vous offre vos invitations. C'est pour vous, c'est cadeau. Et c'est offert par Réunion Première. Voilà. C'est pour vous. Bisous, Elisa. Merci, au revoir, Réunion Première. Ouais, on va y arriver. Bisous, bisous. Salut, Elisa. Allez, bye bye. Bon, il s'est passé des choses encore dans le zapping. Oh là là, m'en parle pas, les journalistes patinent, les animateurs se lâchent et la liste des nouveaux mots s'allonge. Allez, c'est parti. Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur est en SoundCloud. Ouais. Nice. La paix! La paix! La paix! Cédric Narayanin, le nouveau capitaine du Saint-Denis Olympique, aborde cette rencontre avec confiance, même s'ils étaient. Avec confiance, même si malgré. Oh là là! Kalash, sur son compte Facebook, met en cause l'organisation qui n'assume pas ça. Cette merde. C'est son avis. C'est son avis. 70 000. Tu es obligé de dire ça quand c'est même. C'est son avis. CAF, chinois, sarab, malbar, ils tiennent beau ensemble. Ils vivent en parfaite harmonie. Comment? Pardon? Réunion Première, bonjour. Marie-Hélène du service des nouveaux mots à votre service. Oui, bonjour madame. Ce week-end, vous avez passé une chanson de Jim Fortune. Oui, Jim Fortune, c'est un grand chanteur. C'est quoi le titre? Alors le titre, c'est Vent de Vengée. Alors Jim Fortune, Vent de Vengée, quitte pas. Alors on bouge pas, ça arrive juste après Jim Fortune, Vent de Vengée. Non. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Oui, je voudrais savoir si on peut boire des soldats. Tu veux boire des soldats? Attaquez pas. L'eau est votre meilleur allié pour mincir, en plus de remplacer les boissons plus caloriques comme le soldat, le vin. Oh là là. Alors, vous n'avez pas l'impression que parfois on est un peu perdu? Si. Gros incendie hier vers 18h30, rue Léopold Rambeau dans un entrepôt. Il a mobilisé une cinquantaine de pompiers du nord-est et de l'ouest. Se dire que, à un moment donné, mais il est perdu. Pédaler. Continuez de pédaler, c'est bien. Bah oui. Bon, on va embrasser Claude Montané. Vous avez rendez-vous avec lui tout à l'heure pour les experts. Oui. De 10h15 à 11h30. On est construire perdu, Claude, on est perdu. Rénover sa maison en tenant compte du climat, c'est possible. Vous pourrez bien participer à l'émission 02 62 99 2000. Non, on dit vraiment merci à tout le monde parce que sinon on n'aurait pas zapping tous les matins. Bah oui. Bon, on va attribuer les prix, Jackie. Hein. Ben, bon. Bonjour. Salut Jackie. Ça va bien, merci. Super, oui. On parle de cuisine, nous, entre 8h et 9h. On va s'intéresser aux spécialités antillaises avec Guy-Pierre Martial, chef de cuisine. Donc, ses spécialités sont antillaises. Quelles sont les pépites de cette cuisine? Quelles épices les utiliser pour la cuisine antillaise? De 8h à 9h dans la colle. Est-ce que la cuisine réunionnaise y ressemble à la cuisine antillaise? On en parle ce matin. Ça va, Jackie? T'es réveillé? Oui, ça va. Bon. J'ai un peu l'impression que t'as les yeux en face de trop. Celle-là encore. Salut Jackie. Bonne colle Jacques. Non, mais ça va pas. Non, les gars, mon fils, Guy Alidji, salut la Réunion. Ouais. I ran across some thousand people on my way, on my way, on my way out. One of it, two of it, one of it we'll make the most of it, you love it. One of it, two of it, one of it we'll make the most of it, you love it. You left me out there in the early morning rain, why would you believe me now? I'm only trying to protect my point of view. Why won't you to let me in? One of it, two of it. Moi, c'est facile pour apprendre à parler. One of it, two of it. C'est pas, un ovite, hein. Mais si, one ovite. Ouais, ok. Comment on dit, vas-y, dis. Ouh là là. One ovite. One ovite, c'est mieux quand même que sinon, one ovite. Sinon, il y a un bois. Ovite. Voilà. Quand on est un peu des ovnites, hein, c'est nous. Clair. Des ovnites. Ah, allez, on est fatigué, on repart. Ah, Jean-Claude, ou les ravines blanches. On laisse. Oui, c'est beau, c'est avec Blois à Saint-Pierre avec cette grosse. Vous étouffez pas, Jean-Claude. Bon. Vous entendez-vous? Mais oui, oui, oui, bien sûr. Pardon. Ah, les sportifs, la langue. En tout cas, la sécurité reste très dense ici à Saint-Pierre, que ce soit sur le front de mer au niveau du CHU, bassin 18, ravine giratoire de la Catherine pour aller vers le boulevard Manche. Grosse difficulté à la rue des Bons Enfants aussi, alors il faudra prendre son mal en patience. Et sinon, sur les grands axes, la circulation encore fluide. À la route du littoral, nous sommes au niveau de la pointe de Gouffre en direction de Saint-Denis et en provenance de l'Est. Eh bien, on a toujours ces zones de ralentissement qui commencent depuis Saint-André, du côté de la zone Grand Est, là aussi, combustion sur le National 2002. Grosse difficulté donc de circulation ce matin, surtout pour la direction de Saint-Denis et pour quitter le centre-ville de Saint-Pierre. Soyez prudents, patients et bonne route à vous. Jean-Claude Machir, il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. 18 707, c'est le nombre d'appels reçus à SOS Solitude Réunion l'an dernier. Des écoutes assurées par des bénévoles. Problème, ils ne sont pas assez nombreux. L'association a besoin de nouvelles oreilles. Reportage dans ce journal. Le parc national va-t-il être déclassé? Réponse aujourd'hui. Les conseillers régionaux doivent se prononcer en commission permanente sur le lancement d'une étude, ou plutôt d'un état des lieux du parc national. Le sujet fait polémique. Les faits se sont déroulés dans une résidence de la cité universitaire à Saint-Denis, une jeune femme aurait été violée hier. Les policiers auraient déjà interpellé un groupe de jeunes. Les étudiants, eux, ont prévu une marche blanche aujourd'hui. Et puis, vous êtes peut-être dans les bouchons ce matin, peut-être même tous les jours. Alors, cela peut vous arriver. Laissez passer une ambulance ou un camion de pompiers. Normal, oui, mais parfois, les secours ont du mal à se faire un passage. On en parle à la fin de cette édition. Ils sont disponibles 20